Il s'agit du flow de cast. Ça pue sa mère. Floodcast. Florent Bernard. Bravo. Adrien Méniel. Bravo, bravo. C'est très très impressionnant. Ah ouais, c'est toujours un spectacle hein, de toute façon. Oui, ah, bonjour, bonsoir. Là, ça a commencé par exemple. Ah, ça c'est ouf. Ouais. Bonjour, bonsoir et bienvenue dans ce nouvel épisode du Floodcast. Comme à l'accoutumée, je suis accompagné d'Adrien Méniel. Bonjour, bonsoir. Bonjour, bonsoir. Nos deux invités d'aujourd'hui sont à l'affiche de Yo Mama, un film qui raconte l'histoire de trois darons qui, face au clip de rap de leur môme respectif et de la polémique qu'il a provoqué, décident elles aussi de se lancer dans le hip-hop. Suprême, même ta mère aurait également été un super titre. C'est bien vrai. Sûr que non. Non. Bien sûr que non, ça aurait été une cata. Un titre moins bien, soyons honnêtes. Et c'est pour ça que c'est pas moi qui ai fait une petite pause sur ce scénario, mais Adrien Méniel, disait. Ouais, c'est vrai. Et ah, oui, oui. Dans ce film écrit par Amadou Mariko et Leila Si. Leila Si qui réalise aussi le film. Nos invités jouent respectivement une des daronnes et le producteur. L'une est une habituée chez nous, hein. L'autre, c'est sa première fois. Elle, elle est célèbre pour son podcast À bientôt de te revoir, récemment la série Faire famille sur France TV/. Lui est le réalisateur scénariste et meilleur espoir. Je sais pas s'il en a déjà parlé en interview. Le meilleur, tout simplement. Tout simplement. C'est assez secret. Le lancez pas. Tout simplement noir. Il est aussi derrière et devant la série En place sur Netflix. À eux deux, ils sont 6 lettres, SML et JPZ. C'est Sophie Marie-La Rouy et Jean-Pascal Zé. Superbe. Superbe intro. Sauf le mot môme. Môme, ouais. Môme. Ok, on est leur môme respectif. Un môme. Yo Mama. Yo Mama. Il a un béret tout de suite, l'enfant. Si tu appelles un môme. J'ai 67 ans. Enfin, soyez un peu cool. Les genoux cagneux et tout. Ouais, mange des mômes. Donc, merci d'être venu. Attends. Plaisir. Ça fait plaisir. Je sais que JP, c'est un grand fan de l'émission. Moi, je ne loupe pas un podcast. Un podcast. Non mais c'est vrai. Non mais c'est tellement ton quotidien que t'as même oublié le nom quoi. C'est oui, genre oui, normal. Non mais le nom oui. C'est comme respirer quoi. Exactement. Ouais, voilà. Et ton épisode préféré c'était avec quel invité? Avec Jonathan Cohen. Oh bien ouais. Joli. C'est très bien. Lequel? Parce qu'il y en a eu, il y en a eu deux. Avec deux. Jonathan, ouais. Moi je suis le premier. Bien joué. Le premier c'est le mieux. Donc on va commencer comme tous les Floodcasts avec le petit jeu du Floodcast. Alors quelle vedette de la télévision va faire son grand retour dans très peu de temps, cet été? C'est quand même pas Coé. Non. C'est non, bah, un... On va parler de Coé hors antenne. Est-ce que Adrien c'est disait qu'il une était personne femme. Identifiée comme homme, identifiée comme femme? Identifiée comme homme. Ok, très bien. Et qu'un homme cis, blanc, bah, et bah, blanc. Bah oui, télé, ça veut dire que c'est un blanc. Bah oui, c'est un blanc. Bah oui. Parce que sinon ça se saurait. Bah, il a disparu. Mais la gaffe, il est mort ou pas? La gaffe n'est pas mort. Il est pas mort, la gaffe, ça va pas ou quoi? Rigole, c'est méga gaffe dans Fort Boyard. C'est une icône nationale. Il est sur un jetpack et tout. C'est pas vrai. Tu peux mettre du respect sur son nom? Mais ouf, celle-là, elle parle mal de la gaffe. Mais Vincent, le bon vieux Vincent? Vincent Lag. Mais t'es sérieux? Alors attends, il revient sur une chaîne hertzienne? Alors, c'est pas. Quand je dis vedette, c'est pas forcément. Enfin, ça peut être un personnage. Bill du Big Deal. Pas Bill du Big Deal. C'est un personnage fictif, genre animé? Pas animé. Le Père Fouettard, Père Fourard. Père Fourras, alors on s'approche. C'est, Père Fourras, ce n'est jamais parti. Attends. Il est jamais parti. Non, il est pas la boule. C'est la boule. Mais il est pas mort? Alors, si, mais il est c'est il personnage recassé. Qui revient. C'est qui ah, la c'est boule? Vrai. C'est dans le Fort gros chauve dans Fort Boyard. Il tapait sur le gong. Donc oui, la boule va faire son retour dans Fort Boyard. Alors donc évidemment, pas le vrai la boule, puisque lui il est dead. C'est un reboot de la boule. C'est un nouveau quoi. La boule. Ils ont fait un reboot. La boule 2. Et c'est Statham qui le fait. Non, mais non. C'est fou. Non, mais j'aurais voulu passer le casting pour faire la boule. Non, mais franchement, je trouve la boule, ça se fait pas. Pourquoi il s'appelle la boule? Parce qu'il est gros. J'ai pas choisi. Ah, oui, c'est bah, chaud. Ah, oui, non, la boule à zéro, pas... il est chaud. Non, ça... et le nouveau la boule. Le nouveau la boule. Ah, il est gros et chaud aussi. Non, mais la boule à zéro. La boule à zéro. Mais je pense pas. Arrêtez. Et aussi. Parce qu'il est gros, je bah pense. Oui. Pourquoi vous essayez de rendre woke une émission avec des nains non, qui courent partout? Non, mais je sais pas. C'est l'émission et Fort ouais, Boyard, et de toute façon. C'est Fort Boyard. C'est Fort Boyard. Hein. Voilà. Donc il s'agit. Arrêtez voilà. De critiquer Fort Boyard, moi j'aime bien. T'as fait Fort Boyard? Non, ils m'ont proposé en plus. Et mais Mito, prouve-le. La tête de le ma mail. Mère qui m'ont proposé Fort Boyard, mais j'ai pas été parce que je sais pas. J'ai pas nagé. Peur. Non, je sais nager, mais. Oh, les clichés. Mais je trouve que c'est super, attends. Devant Fort Boyard. Ouais, ok. J'avais pas vu. Waouh. Wow. Elle a dit tu sais pas nager. Mais non. Cliché, quoi. Non non non, mais si j'ai nagé, je sais pas nager. J'ai grave nagé, j'ai grave nagé. Je nage même en arrière. Ah ouais? Ouais. Mais il y avait genre c'est pas parce que t'as des genre des phobies? T'as zéro phobie? J'ai des petites phobies quand même. Les genre araignées? Mais on peut pas les dire à l'antenne. Ah, oui. Non mais en plus. Non non mais. Ah, ouais. Sophie Marion, t'as proposé ton Fort Boyard? Non. Mais tu le ferais ou pas? Non. Ah ouais? Parce que je sais pas nager. Ah ouais, c'est ça. Tu sais pas nager? Non, je sais pas nager. Arrête. Non, je sais pas nager. Arrête. Bah, je nage comme les chiens, quoi. Quand j'ai pied, après, je fais demi-tour. Ça suffit, ça. Mais oui, c'est pour le nombre de fois où on nage dans notre vie, franchement. Pourquoi on a pas besoin de faire. Mais tu fais comment l'été, genre? Bah, je me mets le cul dans le sable et après, j'ai du sable dans le slip. Ah oui, comment tu l'enlèves? T'es bien, après. T'es bien dans le cas? Non, je sais pas. Non, je ne ferai pas Fort Boyard. Non. J'aime pas tout ce qui volait, furette, je sais pas nager, bon, tanasse, tu vois. Ouais. Ouais. Moi, mais je veux bien les goodies de Fort Boyard. Tu veux des petites clés? C'est moi, fou, parce que il m'a offert une tasse ce matin, Fort Boyard. Je lui ai offert un mug Fort Boyard ce matin, Père Fouras, justement. Mais comment t'as fait pour avoir un mug Père Fouras? Il a le bras long, il a ses petits contacts. il connaît du monde. Il a ses petits contacts, il va pas révéler ses secrets. Ah, je suis dans le chemise. Alors, est-ce que vous avez déjà eu des propositions folles de casting? Parce que c'est marrant, on en parlait il y a quelques émissions avec Adrien, des rôles dans les trucs où j'ai genre serveur 2 ou oui. Tu vois, ouais. Drogué 4 ou des choses comme ça. Est-ce que vous avez déjà fait des propositions un peu cheloues, des rôles pas. Bah, moi j'ai été auditionnée pour jouer Grosse 1. Oh waouh! Wow. Oh, mais, là... wow. Mais c'est vrai! Ah, et ouais. Donc non, j'ai dit à mon agent, mais. Quoi? Dans un mail ou à l'oral? À l'oral. Et je suis quand même allée au casting. Et alors je vous parle de ça, c'était genre en 2014, avant, ouais. Que, avant que. Ça heureusement, pour toi, avant tu vois, des poussières un peu, tout oui, ça. Oui. Et je suis allée au casting et ils m'ont dit littéralement. Ah merde, ah! J'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Non seulement je vais jouer Grosse 1, et en plus on me dit, ah, tu sais, le ah de un date quand t'arrives et que vraiment ça se voit qu'il va y avoir un verre, quoi. Et genre, t'étais pas assez grosse j'étais pour pas eux. Assez grosse pour donc t'y allais pour ça, en fait, pour qu'ils te disent ça. Non, ça va, ça aurait pu être pire, t'aurais pu auditionner pour Grosse 2. Ouais. Voilà, au moins t'es là 1. Mais c'est fou à quel point les gens ne prennent pas le temps de réfléchir. Ouais, ils sont horribles, franchement. Ouais. Ouais, peut-être un petit prénom, ça mange oui. Pas de pain, quoi. Voilà. Ouais, c'est ce non, qu'on avait dit déjà. Code, au moins un nom de code entre eux. Ouais. Gertrude et machin, ils savent. Ah, tu viens pour Gertrude. Ok. Ah, mais, ouais. Un prénom qui commence par G, tu vois, comme grosse, comme ouais. Ça, tu t'as un petit moyen mnémotechnique. Toi, JP, non, rien? Non, moi, même j'ai depuis pas... que ça a bien pété pour non, toi, j'ai hein. Eu des propositions de scénar un peu, voilà. Ouais. Des scénars un peu... Bah, comment... tu les as fait, d'ailleurs. Oh, wow. Clash. Oh. Ah, wow. Ça tire, ok. Je pensais qu'on était dans le même camp. Quoi on était dans le même camp, ok. Non, non, mais moi, j'ai eu la chance qu'en fait, quand j'ai fait Tout Simplement Noir, je suis arrivé avec un premier rôle direct. Ouais. Et bon... Le film était, à ce que les gens disent, le film était légendaire. C'est pas moi de non, le mais dire. C'est un classique. C'est pas moi de le dire. Moi, je suis allé une fois au cinéma dans l'année, c'était pour le voir. Ouais, moi voilà. Aussi. C'est le film post-Covid, en vrai. Ouais. Et tu sais quoi, j'étais dans la rue tout à l'heure, là, et il y a une Australienne qui est venue me voir et tout, qui apprend le français, qui m'a dit qu'elle a appris le français. Ils lui ont montré Tout Simplement Noir pour apprendre le français. Pas mal, donc, hein. C'est pas à moi de le dire. Et ouais, ce que je veux dire, ça, c'est pas à moi de le dire. Non, d'ailleurs, mais c'est donc, pas toi qui l'a dit, là. Du coup, c'est pas moi qui tu le dis. Du coup. Bah, du coup, je le dis, parce que vu que personne le dit, bah, je le dis. C'est pas à mais moi. Mais du coup, ouais, j'ai pas passé la case de petit rôle, petit machin, tout ça. Je suis arrivé, boum, bam, direct. Ouais, c'est ça. Badaboum, c'est moi qui veux là, vas-y, on y va, frère. Un Américain a été arrêté par la police et devra payer 150 000 $. Ce qui a causé sa perte, c'est qu'il était somnambule. Je vous demande ce qu'il a fait alors qu'il dormait. Est-ce que c'est un truc sexuel? Non, pas sexuel. Attends, il a commis un crime alors qu'il dormait? Oui. Mais pas un crime glauque. Ah, il a volé un bail. Il a rien volé. Il a fait un excès de vitesse. Non. Il a touché du harcèlement sexuel. Non, on pas a un dit truc que glauque. C'était pas sexuel. Non, pas sexuel, pas glauque. Pas sexuel, c'est ah bah non, je sais, un crime. Il a genre joué du ukulélé ou un bail comme ça. Non. Mais c'est un peu un crime quand même qu'il a fait. Jouer du ukulélé, c'est pas. Tu détestes le ukulélé? Ah, pardon, excuse-moi. C'est ça. On enregistre le matin, mon cerveau est en. Non, mais arrête. Voilà. Non, mais je te le dis. T'as un enfant. Quand je parle de ton enfant, ah, ça oui, c'est toujours. Vrai, pardon. J'ai un enfant et tout, donc ça fatigue. Voilà. Qu'est-ce qu'il a fait, le gars? Un vol? Quelque chose de. Pas un vol. On a dit non. Il a vomi sur une dame. Il a vomi, il a pas vomi. Une violence? Ah non, c'est pas. Alors, une violence. Mais... Verbal, il a appelé quelqu'un au téléphone, il a fait hey, t'as une grosse tête. Il a fait un canular de Guillaume Play. Exactement. Il a appelé un hôtel. Non, mais par contre, violence physique. Il y a une violence physique, mais pas contre autrui. Ah, c'est contre lui-même. Contre lui-même. Bah oui, remarque. Il s'est tapé la teub. Non, il y a pas de teub. Hein. Mais après, premier truc, c'était c'est pas sexuel. Harcèlement sexuel, ça teub. C'est pas glauque, c'est pas sexuel et c'est un truc envers lui-même qui lui a fait prendre 150 000 $ d'amende. Il s'est jeté d'une certaine hauteur. Ah, non. Il s'est frappé. Alors, vous y êtes prêts? Je vais vous donner la réponse. Il a joué du tam-tam sur ses cuisses. Non. Oui, non, mais tu le fais bien, mais pareil, c'est pas un crime. Non, bah, je sais pas. si, s'il est à Walp. Ah, mais c'est sexuel. Il s'est tiré dessus. C'est avec suicidé, son arme en fait. À feu. Non. Ouais, c'est pas glauque, hein. Vous inquiétez pas. Il s'est juste tiré une balle dans la bouche, putain. Non, il s'est tiré. En fait, il a cru qu'il se faisait. Il rêvait qu'il se faisait cambrioler. Mmh. Et il a sorti son gun, parce que c'est les States. Mmh. Et il s'est tiré dessus sans faire exprès. Il s'est tiré dans la jambe. Ça l'a réveillé. Il appelle la police. Il va aux urgences. Sauf qu'en fait, il avait un port d'armes pas valide. Et donc du coup il s'est grillé tout seul. Qu'est-ce et donc du coup il a payé 150 000 euros d'amende. Bah attendez, je vais vous raconter un truc qui m'est arrivé tout à l'heure. Je sais pas si c'est un rapport avec ça. C'est pas obligé. Alors là, mais en fait ouais, quand je me suis réveillé tout à l'heure ce matin, bah tout à l'heure, j'avais vraiment envie de faire pipi. Tu t'es et... pissé dessus? Non. Il s'est pissé dessus. Non, je me suis attends, pas pissé dessus. Je suis parti aux toilettes et j'ai fait pipi, mais j'ai fermé les yeux en faisant pipi. Okay. Et je me suis mais dit pour le défi ou genre non parce que j'étais fatigué. Okay. Et du coup je me suis dit mais c'est pas bien parce que c'est la même sensation que quand tu fais pipi au lit. Je sais pas si vous vous rappelez. Ah, ouais, ouais. Je me suis dit mais attends du coup bien je suis sûr. Réveillé je dors je suis comment non non c'est ouais. Ça le rapport avec oui mais en vrai si je vois ouais, attends j'ai une contre anecdote. Vas-y. Je peux y aller. Vas-y. Au mois de février on est le 16 à peu près. Il fait beau. Il fait assez beau. Ouais. Bah, et réchauffement climatique, hein. On est en famille et on va pour aller dans ma voiture et mon frère ferme la porte du coffre sauf sur mon doigt. Ah. Donc il me défonce le doigt, ouais. Et je remonte jusqu'à chez moi. Je sors de l'ascenseur et j'étais vraiment mal. Je criais genre ah machin. Et je sors de l'ascenseur, je m'évanouis. Et en m'évanouissant, et eh ben je me suis pissée dessus. Ah, oh bah mais tiens. Non, c'est fou. La grosse pisseuse. Ça veut dire que t'as mangé. Mais parce que mais tu t'es Bah tu sais quand tu bah, t'évanouis si, arrive, c'est ouais, comme tu... quand tu meurs ouais. Et ton, y a aucun ton rapport, corps non. Il y a plein de gens j'ai qui fait sont évanouis oh, ah aussi. Non là tu non, vas attends, trop attends, loin attends, là, attends là, pardon vas trop loin, j'ai besoin de débunker ouais. Comment ça t'as failli, comment tu sais? Bah parce que je genre me tu suis... t'es réveillé t'as fait JP, putain ma merde JP a carrément regardé l'attaché de presse du film. Genre il a fait attends elle dit qu'elle se chie dessus là. Qu'est-ce qui se passe? C'est hip hop. On est venu pour Yo Mama. J'ai pas me chier dessus. C'est hip hop. Tu viens de gagner tellement de spectateurs en faisant ça. T'en as même pas idée. Non mais non mais moi je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord avec ton truc genre quand tu tombes dans les pommes tu te pisses dessus. Non c'est faux. Ça arrive. Il y a plein de gens arrive. Qui tombent dans les pommes ah qui ouais. Se pissent mais non, pas mais dessus. C'est le, c'est je pense le... que ça c'est toi arriver. Qui te pisses dessus parce que c'est. Mais il paraît que quand tu meurs tu pètes. Et tu te chies dessus il paraît c'est aussi. Faux. Ouais. C'est si, totalement il paraît, faux. Non c'est. Si faux. Certaines personnes c'est arrivé. C'est faux. Si si. C'est faux. Prouvez. Montrez-moi un gars qui est mort qui vous raconte ça. Faut que je le googleise. J'avoue que je suis pas chaud mais. Non c'est n'importe quoi ces histoires. Mais moi c'est une vraie peur que j'ai. Des fois, je me dis, quand j'ai envie de sup ou de yesh, je me dis, si je me fais percuter par une voiture, là, j'ai plus peur qu'on retrouve mon corps rempli de merde que vraiment juste rempli mourir, de merde. Que juste mourir au regard de JPA. Oh, wow. Non, parce que si tu meurs et que tu t'es chié dessus, c'est sûr que la presse va en parler. Mais c'est ça. Et moi, le journal, je le regarderai et je serai un peu dégoûté. Le meilleur espoir du cinéma. Je serai un peu dégoûté. Je dirais, ah, Flaubert qui est mort. Oh, relou, je l'aimais bien ce gars-là. Mais il s'est chié dessus en même temps. Florent Bernard, et, un jeune espoir. En vrai, juste qu'on en parle ici, c'est mort pour moi. C'est-à-dire, si un jour je meurs, ouais. Les gens ils diront, c'est ça sûr, risque c'est d'arriver. Chié dessus. C'est juste qu'il s'est chié dessus. Ça risque d'arriver que tu meurs un jour. Tu peux faire un lavage avec une poire à lavement préalablement ou quand tu sens que c'est le dernier continent. Oh, videz-moi, videz-moi. Voilà. Vous avez déjà fait un lavage intestinal? Non mais c'est bon. Vas-y. Moi jamais. Moi jamais. Nous, je vous lance sur autre chose. La chanteuse Pink était en concert à Londres la semaine dernière et elle a reçu sur une scène quelque chose d'assez improbable. Je l'ai vu. Ah ouais. Un peu Antoine. Bah, je dis rien. Moi, je vous demande je quoi? Ouais, moi aussi, je crois un portable. Ah, bah non, alors tentez-le si vous le savez. Un portable? Non, c'est pas un portable. Ah, c'est pas elle. Alors. Un slip? Ah oui, non, j'ai vu une chanteuse qui s'est pris un portable en pleine gueule aussi. Mais c'est elle aussi, hein, je crois. Non, c'est pas Pink. Non, c'est pas Pink. Tu mens en fait. Est-ce que je me suis dit, ah tiens, c'est qui? Un c'est livre, elle, un je livre. Retourne la table. Pas un livre. Des baskets? Pas des baskets. Un enfant? Un enfant. Un panier AMAP avec des légumes de saison. Ce qui aurait été super sympa c'est de la part du public. C'est un truc de ouf, donc à mon avis, il faut dire des trucs de ouf. Alors c'est un truc de ouf. Des capotes? Non. C'est un truc de ouf pour toi. Faut que vous sachiez que Jean-Pascal Zadi est trop mignon. Il est trop mignon. Et non, mais je sais pas. C'est vrai, hein. Mais c'est pas un truc qu'elle s'est genre pris dans la gueule. Un cadeau, c'est un cadeau. C'est arrivé, c'est un cadeau. Enfin, c'est pas un cadeau. Est-ce que c'est vivant? Ah bon? C'est pas vraiment un cadeau. J'ai fait pisser dessus. C'est pas vivant. Un cadeau. Non. Non. Est-ce que c'est comestible? C'est pas comestible. Alors. Non, c'est pas connu pour être comestible. C'est mais pas peut-être mangeable. Salé, j'en sais rien. C'est pas mangeable. Une télé. Pas une télé. Mais attends, je sais pas du coup. Tente-le. Non mais c'est pas mangeable, c'est ça t'as dit? Ah moi je trouve que c'est pas mangeable mais... Ah d'accord. Du shit. Non moi j'ai vu que quelqu'un lui a offert un énorme fromage. Ah non c'est pas ça. Un bris de mots. D'accord, c'est ah pas non. Ça. Ok d'accord. Un bris de mots. Ouais. Elle a un... Mais énorme. Ah donc c'est pas ça. Et elle a dit quoi? Et Pink, elle a fait. Elle oh a bah, fait. Oh bah, oh bah un bris de mots. Je ne mangerai jamais. J'imagine qu'elle a dit ça. Ils l'ont jeté comme un frisbee. Non, offert quoi. Ah genre offert. Fait, okay, tiens okay. Et bon. Alors cela dit, c'est un truc comme ça. On lui a tendu quelque chose. Okay. On l'a pas jeté en pleine gueule. Ah bah tu t'expliques mal. Mais c'est pas non, la même chose. Je... Tu dis on lui a jeté, après tu dis on lui a tendu. Ouais, mais parce que moi mes réponses du coup elles étaient pas valables. Mais donc c'est pas un cadeau tu dis. Je crois je t'ai humilié en direct. Bah oui, c'est un peu humilié. Qu'est-ce qu'on lui a tendu? Un enfant? Non, t'as une... déjà testé l'enfant. Ah ouais, tu l'as quoi, déjà dit. Non, mais ah, j'avais dit jeter, mais là peut-être qu'on lui a attendu. Ah non, okay. Mais toutes tes réponses ne marchaient pas avec déposer non. C'est pas trop comestible, mais quand même ça peut se manger. Est-ce ouais, que mais c'est... non, c'est pas comestible. C'est pas une pizza. Il y a des gens connus qui en ont mangé. C'est végétal. Pas végétal. Des gens végétal. Connus De l'argent. De la drogue. Tu verras. La drogue. Pas de la drogue, pas de l'argent. Il y a des gens connus qui en ont mangé. Non, laissez tomber, oubliez. J'allais dire. On est en promo, je vais un pas dire. Un truc de ouf. Ah vas-y, mais là, j'ai envie de dire des trucs de ouf. Vas-y. J'ai envie de dire des trucs de ouf. Du Meusfer. Ouais, c'est ça que j'allais dire. Il peut prendre, ouais, il peut le faire à ta place. C'est ça ouais, que j'allais dire. Tu me fais un clin d'œil et moi dit, je le dis. Moi. Tu fais un petit regard. Dit, j'ai écrit des blagues dans le film, hein, mais. Frère, c'est incroyable. Un truc important pour la personne qui l'a déposé. Du caca. Okay. Un placenta. Pas placenta. Ah, mais c'est genre. C'est pas dégueu, hein. Ah bon. Ah. Ah, c'est dégueu pour toi un le placenta. Truc, le placenta. Allez, c'est pas sympa de. Pas sympa le placenta. Ouais. C'est un podcast que je fais c'est sur la maternité. Pour moi, mais voilà. Enfin, mais placenta. Mais t'as une construction quelconque ou aucune? Allez, arrête avec cette blague. Parce qu'après, on me la refait sur Insta. Ouais, c'est trop dur ton bail. Ouais. Non, on va trouver. Alors, c'est comment un dire? Un truc organique. Important pour la personne. Pour la personne qui l'a déposé, c'était quelque chose d'important. C'est organique. C'est genre, c'est dans la, naturel, quoi. C'est de la sécrétion. Est-ce que c'est une urne avec des cendres? Mais oui, très bonne réponse de Sophie Marie là. Oui, c'est les cendres de la mère de la personne. Mais en fait, je l'avais vu. Attendez. Pourquoi on parle de ça? Comment ils rentrent déjà dans un concert avec des urnes? Alors c'est pas une urne, c'est ça qui est un peu petit porte-clés ou un truc. C'est un espèce de sachet. Un Ziploc. Un petit Ziploc. Oh non. Comme pour les sandwichs, ouais. Tu vois les petits américains sandwich de chez Harris. Et en gros ils ont mis les cendres dedans. Et pendant le concert elle a tendu les cendres pendant une chanson qu'elle aimait bien. Et donc Pink a récupéré en disant mais qu'est-ce que c'est? Ma mère. Et l'autre a dit c'est ma mère. Et donc Pink était quand même un peu gêné de dire bah c'est bizarre. Quel enfer. Hein. Incroyable. Mais pourquoi ramener sa mère? C'est le truc le plus fou que j'ai entendu ces trois derniers jours. Vraiment, ces trois derniers jours. C'est le truc le plus fou que j'ai entendu ces trois derniers jours. Est-ce que sa mère s'était chiée dessus en mourant ou... On s'en sait pas, d'accord. Écoute, la grande histoire ne le raconte pas. Non, je pense que là c'est sur une chanson un peu triste, donc peut-être c'était une chanson importante pour sa mère, bien ou sûr. Sa mère et elle. Et donc du coup il y a un bail de bon bah voilà je le fais là. C'est fou. Je pense juste à ton ta Adrien veille. Scass, ça l'a rendu foudrage. Je pense juste à ta veille informationnelle en amont de chaque floatcast. C'est une mais mon historique Google est un fiasco. Non, c'est fou. C'est le truc le plus fou que j'ai entendu ces trois derniers jours. Que quelqu'un soit parti avec des cendres de sa mère. Mais tu vas même dans un concert intéressant. Pourquoi le concert de Pink? Non, mais vas-y au concert de Snoop. Tu vas voir avec Snoop, tu dis vas-y, tiens Snoop, mon gars sûr, Pink. Ça l'a rendu foudrage. Sa mère était fan de Pink. Et heureusement que c'était pas genre Richard Cochiante, tu vois. Sa mère était fan de Pink. Peut-être, j'en sais rien. L'histoire de Pink. Peut-être qu'elle méritait de mourir alors. Il y a personne qui est fan de Pink en 2023. Bah, franchement, elle remplit des trucs et tout. Ah ouais? Ouais, je crois. Je crois que ça marche t'es pas dur, mal pour hein. Elle. Non, ta mère est fan de Pink, franchement. Ma mère, elle est morte, donc. Mais je ramènerai pas ses cendres à un concert si c'est ça peut voir. Ouais. Non, c'est fou, c'est dingue. En parlant de ma matinée est faite. Bah, je vois, écoute, en parlant de chanteuse de Pink. Ça chante autour de la table un petit peu. Et là, hop, je remets un peu de promo. Ah, ouais, non. C'est le nouveau Koé, ça. Non, ce raccourci est trop. Non, il est nul. Trouve pardon, un prochain non, truc. Non. Pink qui chante. Ah, il y a des gens qui chantent dans le. Ouais, non, j'accepte pas là. On le prend pas. Honnêtement, le prochain truc, ça va être très compliqué pour moi de le relire. Si. Un petit défi. Je préfère que tu relis le prochain truc que ça. Ça, c'est vraiment merdique. Les cendres de sa mère, Pink à un concert. On parle de concert. Il y a des gens qui chantent ici. Yo Mama, non. Non. Non, non, non, le prochain. Fais ta prochaine question et le prochain, tu reliras au film. Vas-y, vas-y, je vais faire un petit défi. Non, je tente. C'est trop nul ce que tu viens de faire. Mais qu'est-ce que tu fais ta loi, toi? Déjà, mets ton casque et parle moins fort nous, et vas-y, mets ton conducteur. Nous, c'est la rue, il n'y a personne qui nous donne d'ordre, t'as capté ou pas? Il n'y a pas de nanani, t'arrives, mets ton casque, quoi, casque de quoi. Vas-y, il n'y a pas, frère. Vas-y, mets ton casque. Sa voix, elle a baissé. Ouais, c'est bon, ou sa voix, elle a un peu baissé. Est-ce que j'ai une voix sexy là? Un peu, franchement. Un petit peu. Eh, salut, toi. Eh, mais j'ai vu Sophie-Marie Larouille, elle a des beaux yeux de ouf. Bah, bien sûr. Et je l'avais jamais remarqué. Mais oui, mais parce qu'il ne me regarde pas. Mais elle a vraiment des beaux yeux, Sophie-Marie Larouille. Merci, mon gars. C'est vraiment une belle nana. Ma fille aime pas que je dise ça. De que tu dises que des filles sont jolies? Non, je dis belle que nana. Que tu sois un ringard. Ah oui. Jolie petite minette. Une pépée. Ça va les miss. Pas dégueu la miss Tinguette. Un record d'ordre musical vient d'être battu dans les Hauts-de-France. C'est nous. En parlant de record, vous allez vous calmer. Pardon. Vas-y. C'est gratuit les podcasts. Les gens, ils ont pas besoin que ce soit bien fait. Qu'a fait Christelle de Franceschi pendant 75 heures, 26 minutes et 8 secondes. Tu vas te calmer. Mais il a tout vu lui. Mais j'ai des amis beaufs qui partagent la merde. Ouais. Et on les embrasse. Je les ai pas cités. Des gens. Attends, il y a un. Il y a un record qui a été battu en Hauts-de-France musical. Ouais. C'est pas la bande-annonce de Yo Mama qui a fait 10 millions de vues. En parlant de ça d'ailleurs. Non. Je suis avec toi Flo, t'inquiète. Merci, c'est gentil. C'est gentil. Mais c'est quoi le record en Hauts-de-France? Il faut chercher, c'est une devinette. C'est musique un Hauts-de-France, vous allez trouver rapidement, je pense. Ouais. Musique Hauts-de-France. Est-ce que ça a un rapport avec Enghien-les-Bains? Je ne crois pas. Mais okay. Enghien-les-Bains, c'est dans le 9-5, c'est pas dans le Hauts-de-France. Ouais. Bon, Hauts-de-France, c'est le Nord. Hauts-de-France, c'est Chiba. Alors, t'as Milout. Voilà, et qu'est-ce qu'ils écoutent? Quelle est la musique là-bas? Qu'est-ce que ça peut être? Danny Boone. De la musique. Danny Boone n'est pas de la musique. Non. C'est peut-être. Pierre Bachelet. Non. En ce temps-là, j'avais 20 ans. Ah non, mais comment il s'appelle le pote de NASA, là, Gradure? Non. RK? Ah non, ça, on est... ça va être encore très dur de le relier plus au film. Traditionnel, plus traditionnel, ah pense ouais. Plus. Hey, Gradure, j'aime bien Gradure. Ah, j'adore Gradure. Il est bon. Ici, il n'y a que des gens militarisés de tout. Ah ouais? Ah bah oui. Attendez, ils écoutent quoi comme musique dans le Nord? Non, pensez à un style de musique plus, ouais. Un style de musique, la musette. Oui. Bah, donc. S'approche. Le carnaval du Nord. Non. Ils ont fait un concert de musette durant tellement longtemps que. Gna gna gna. Alors, c'est musette. Un record. Musette, mais... accordéon. Accordéon. Accordéon, balle musette. C'est le record du monde. De celui qui a mis sa teub dans un accordéon. Très bonne réponse de Jean-Pascal Zadier. Merci. Non, c'est juste le record du monde d'un qui a joué le plus longtemps de l'accordéon. Voilà. 75 heures. Oh. Donc c'est 3 jours non-stop d'accordéon. Les arbitres, les jurés de ça. Mais il a pas dormi. Bah, c'était une femme. C'est une femme, c'est Christelle Defranchetti. Ouais. Sous un tonnerre d'applaudissements que Christelle joue les dernières notes d'une longue série musicale devant son public à Hernie, près de la frontière belge. Elle avait le droit à 5 minutes de récupération toutes les heures, mais rien de plus. Okay. Donc elle n'a pas dormi. C'est pas vraiment un record. Incroyable. 5 minutes de. Non, mais franchement. J'annule. Non, mais j'annule le record. Attends, 5 minutes de repos toutes les heures. Mais c'est pas un record, frère. Alors, elle a quand même, parce qu'elle a tenu plus de 3 jours, et il faut savoir qu'elle a 2 autres passions, à savoir la marche rapide et le Krav Maga. Allez, ça m'a... Dans vos gueules, j'aime bien le profil devient un peu intéressant. Dans vos gueules, les clichés. Un spin-off de cette personne, peut-être. Un petit film, un biopic. Tu vois, la messenger, elle a quel âge? Alors, l'histoire ne le dit pas. Mais je pense qu'elle est jeune. J'ai vu une photo. Mais en fait, il donne des infos, il a pas toutes les infos. Ah, ça, c'est mal organisé. Et même souvent, c'est mal. Faux. Oh là là là là. Et encore là, c'est vrai. Elle ressemble à ça, donc elle est pas toute jeune. Hein. Ouais. Qu'est-ce que t'en sais? C'est peut-être une teinture. Qu'est-ce que t'en sais? Non, mais l'autre tout de suite. Waouh, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un d'extrêmement déconstruit autour de la table. Il s'appelle pas Adrien. Ça, c'est incroyable. C'est fou. Donc elle faisait de la musique. En parlant de musique, non c'est bon, allez, vous inquiétez pas. J'ai un autre jeu. On parle. Attends, une femme qui fait de la musique. Bah, non, attends, mais ça non mais une bande annonce que j'ai vue. Non mais moi je préfère. Non mais je trouve que ça c'est mieux amené que tout à l'heure. Pink en concert, concert, musique. On parle de musique. Tiens, il y a pas. Non mais franchement là c'est mieux. Mais ouais, c'est un vas-y, peu mieux. Allez, c'est vas-y. Mieux, là. Un peu mieux. Chope peu l'opportunité, mieux. Putain. Alors est-ce qu'autour de la table, il y a dans les gens qui chantent. Oui. Il y a Sophie Marie Larouille. Oui. Sophie Marie Larouille, tu dans le film Yo Mama. Ouais. Tu interprètes une maman qui rappe. Tu ouais. Kicks. Tu kicks. Kick. Kick est-ce que tu as pris des cours? Est-ce que tu as comment t'as bossé ce truc-là? Parce que t'es fan de, on te sait fan de PNL entre autres. Je suis fan de PNL. Et t'es de la génération non. Bah oui. Ouais. On peut le dire, ça t'a aidé. Ouais, ouais. Alors d'ailleurs, oui, tu te la racontes, oui. Tu déconnes, mais c'est vrai que toi, c'est pas l'école qui t'a dicté tes codes. Non, parce que je suis longtemps restée dans ma bulle, du coup, c'est vrai. C'est ça. Alors, je savais pas rapper, enfin, j'étais Jean-Michel, fin de 16 mesures, enfin, tu vois, dans ma voiture ou ouais. Au concert de PNL. Quand je faisais des stories, je mettais pas moi qui chantais, je faisais ouais. du lip sync. Ouais. Donc, je savais pas rapper, je sais pas si c'est rapper, mais en tout cas, j'ai été coachée par Zao, notre reine. Qui est dans le film, qui joue aussi. Ouais. Et elle nous a vraiment bien accompagnés parce que je suis arrivée et franchement, c'était comme une cousinade. Les gens qui dansent à une cousinade. Ouais. Ils tapent du genou et ils tapent des mains, mais pas dans le rythme. Ah, ouais, d'accord, okay. Comme un bébé géant. Ouais, c'est ça. En quelque sorte. T'es un peu le bébé géant du rap, on peut dire. Oh. Mais moi, je trouve qu'elle a super bien rappé dans le film. Ouais. Je trouve que son flow, il est incroyable. C'est vrai ouais. qu'il est bien, mon flow. Et tu sais, Amadou Mariko, le scénariste et co-réalisateur du film, il m'a dit eh, « C'est marrant, tu rappes comme Kalash Criminel. » Et j'étais là genre « Je sais pas si c'est... » Non, mais en tout cas, dans le film, ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a aucune meuf qui a remplacé sa voix pour rapper. Oui, parce que oui. parfois, il y a des films où ils prennent quelqu'un d'autre et tu fais nan. Là, Sophie-Marie Laroui, elle a rappé. Claudia, elle a rappé. Et elle a Tagbo. Et Zao aussi, elle a rappé. Donc, ouais. c'est des vraies, vraies voix. Elle ne rappe pas normalement. Parce ouais. qu'elle ah, oui. chante Zao, elle ne rappe pas. Ah, bah, et son, sa voix de rap n'est pas du tout la même. On l'a découvert dans le film que sa voix de chant, c'est très. Enfin, c'est une exclue d'entendre Zao rapper. Oui, c'est vrai, parce qu'elle a fait. Enfin, il y a les feats avec La Fouine. Il y a des trucs vachement connus. Mais c'est vrai qu'elle n'avait jamais vraiment rappé. Et Claudia, on a fait quelques avant-premières au moment, parce qu'au début dans le film on ne sait pas bien rapper, donc c'est Rocky rigolo. Un peu, on vous voit voilà. un peu apprendre. Exactement, à faire le truc. C'est comme Rocky, même dispositif scénaristique. Tout à fait. Et au moment où le reveal de nous qui savons rapper intervient, on voit Claudia en cabine et je te jure que dans les salles où on était, les gens applaudissent, ouais. crient, ouais, les gens, ils applaudissent, ça ouais. hurle quoi. Donc c'est ouais. vraiment oh, rien que d'en parler. Écoute, j'ai les poils. Poils. J'ai les poils. Les poils. Le film donc... sort bientôt, le 5 juillet. Ouais, ouais. Le film sort le 5 juillet. Une date qui te porte chance toi, parce que tout simplement non, c'était le 8 juillet, c'était début de l'été aussi. Mais donc pas la même date. Le 8, oh, vous êtes des connards. C'est le début du mois. Arrêtez. Une période qui porte une période chance. Qui porte ouais, bonheur. Ouais, ouais, non. De toute façon, JP Zadi porte chance. Ouais, ouais, exactement. Bah oui. Je porte chance. Mais moi, en tout cas, je suis content de cette date parce que je trouve que c'est vraiment le moment où. Bah, si tu veux gérer ta petite go, ou si tu veux gérer ton gars, tu sais, l'été il fait chaud, tu sais pas trop quoi faire, ouais. tu vois. Et il fait frais dans les ciné. Il fait frais, et là, je trouve que c'est vraiment le bon film. Qui fait rire avec de la bonne humeur, de la good vibe. Il y a de l'émotion, donc ça risque de fragiliser aussi la personne à côté de toi. Ouais, ouais. Tu vois, elle est un peu émue, tout ça, c'est plus facile pour la prendre dans les mais bras. Mais ça a été pensé par des ingénieurs d'ailleurs. Oui, évidemment, ouais, justement, réussir à pécho. Il y a, beaucoup de scènes un peu d'émotion, machin, tout ça. Donc à ce moment-là, si t'envoies ta go ou si t'envoies ton gars là-bas, il sera un peu fragilisé, donc tu peux le prendre dans tes bras. Mmh. Et en même temps, c'est pour les familles aussi, parce qu'il y a le côté daronne, enfant, communication par enfant. Mais tu vas pas gérer quelqu'un de ta famille. Ah non, c'est pas ce que je disais. Ouais, mais non, mais je sais pas, faut dire les choses clairement. C'est pour dire que c'est tout public, c'est pour faire venir les gens. Il voulait juste rebondir. C'est de la promo. Bon, bah, les familles, allez pas voir le film du coup. Ouais, n'allez pas. Si. Il y a Miraculous en face, franchement. Non, mais là, en plus, là, franchement, je vois pas. Je vois pas c'est qui. Je vois pas c'est qui la proposition forte. En comédie, genre en face de. Non, mais en plus. Genre, si tu veux rire, si tu veux être mettre yam, je vois pas y a quoi, frère. Non, mais voilà. Franchement, c'est cool. Et puis les petits jeunes sont super aussi. Ah ouais, ils rappent trop bien. Ah, c'est ils cool. sont bien. Il y a une scène d'ailleurs, secret de tournage halluciné, où on doit être ému en les voyant rapper, parce que je vous spoil pas, mais on doit être ému en les voyant rapper. Et Zao, dont c'était le premier film, me dit mais comment on fait pour pleurer à plusieurs reprises? Parce que dans un film, on fait plusieurs. On n'a pas eu besoin de. Prises. On n'a pas eu besoin de travailler là-dessus parce que c'était tellement émouvant que. Tu l'as pincé. Mais on a y aller toutes les larmes de notre corps. Du coup, on pleure très mal parce qu'on pleure comme dans la vie. Avec de la mort, mais. Vraiment, on est dégueulasse. Alors que quand tu pleures au cinéma, t'essayes d'être un peu Marion oui, Cotillard. Oui, t'as la larme de Elijah Wood dans Le Seigneur des Anneaux, quoi. Ouais, bien sûr. Mais il y a eu un échange. Parce que c'est vrai que tu le dis, c'est le premier rôle de Zao. Elle a jamais joué au cinéma. Est-ce qu'il y a eu un peu un échange comme ça de tricks? Est-ce que vous l'avez un peu coaché de votre côté? S'il y avait des réalisateurs, mais. En fait, ce qu'on se dit de plus en plus, c'est qu'elle nous a vu tellement vulnérables au studio que je pense que ça a dédramatisé son entrée au plateau. Oui, parce qu'ils avaient fait ça avant le tournage. Voilà. Pour expliquer aux gens. On a commencé à enregistrer les sons à peu près un mois et demi avant le tournage. On a appris à danser, on a appris les chorés et tout aussi. Et elle nous voyait tellement, mais les genoux qui tricotent, quoi, vraiment. Et Claudia et moi, Claudia avait déjà chanté sur scène, a fait une comédie musicale et tout. Mais le fait de rapper, c'est vraiment tellement intime. C'est pour ça que ça me fait rigoler quand j'entends des gens qui disent non, mais le rap, c'est pas de la musique, c'est très vulgaire, alors que c'est d'une intimité folle que de sortir sa voix. C'est le truc le plus central du. Enfin, tu vois, il y a ça, il y a le cœur et ta teub, quoi. Donc, le fait de rapper, c'était vraiment pour nous tellement intime que Zao, elle nous a vus dans une vulnérabilité folle. Et quand elle est arrivée sur le plateau, ok, elle était un tout petit peu fébrile, mais elle savait qu'on l'accompagnerait comme nous, elle nous avait vraiment accompagnés follement. Mais je tiens à préciser aussi que le niveau de fragilité qu'elle avait, Sophie-Marie Laroui, n'était pas aussi nécessairement associé au film. C'est que dans sa vie privée, elle était aussi fragile à ce moment-là et elle a tout déversé sur le film. Ouais, non, j'ai envie de chialer à cause des gosses. On c'est vrai. Regardé, t'es sérieuse. C'est vrai. Je chialais à ton arrivée déjà. Donc arrête de nous faire chier. C'est vrai, enfoiré. Non, mais tu vois ce que je veux dire. Arrête de nous faire chier. On a un film à tourner là. Ok, t'es non, vrai mais perso, contre, mais dans la scène. On a fait une prise pour une séquence où il fallait que je pleure. Et dans le cinéma, voilà, on tourne plusieurs fois la même séquence, ça vous connaissez. Et il s'avère qu'on a retourné cette séquence 2 semaines après. Donc il fallait être raccord, faire les mêmes mouvements, les mêmes pleurs. Et je me disais, ok, où est-ce que je vais trouver cette intention-là? Parce que c'était pas facile. Et donc je la refais au millimètre près, parce que je suis vraiment une lèche-cul sur les tournages. Moi, je veux pas. Je suis derrière. T'as besoin de quelque chose, un coca? T'as besoin de moi? Non, si tu veux, je peux faire la doublure, machin. Et Zao me dit, mais comment tu t'as fait pour repleurer pareil et tout? Et je dis, franchement, c'est tous les enfoirés qui m'ont fait pleurer dans la vie. Oh. Et maintenant, je gagne de l'argent grâce à eux. Bravo. Donc, bravo, il se fout de ma gueule. On encourage les hommes à malgré les femmes. Vous avez des bonnes actrices. Et on rigole. Les autres, ils ont second degré. T'as déjà pleuré dans une fiction, toi, ou pas? Enfin, oui, mais ils ont dû me mettre du temps. Bon, après, moi, je suis sur des tournages où faut aller vite. Ouais. Parce qu'il y a pas d'argent. Et du coup, ils m'ont dit, vas-y, on mais te met du. Oui, il y a le truc, ça, y a le truc que tu mets là. Le mentol sous les yeux, là, qui t'arrache le. C'est ça. Mais Martin, il pleure, non, dans Groom? Non, je crois pas. Ah bon non, non, non, je crois pas. Peut-être après, ça plateau. Fait partie des tournages de toute façon où il faut aller vite. Donc, oui. Mais c'était dans Derby que j'ai pleuré. Ah oui, bien sûr. Et là, ils m'ont fait. Si, là, il y a eu un film dans lequel j'ai pleuré, un film que j'ai tourné dans lequel j'ai tourné janvier, avec Emmanuel Devos et Raphaël Quenard, et j'ai pleuré un peu. Putain, c'est fou que tu t'offres ça au monde, un mec aussi thug. Mais qu'est-ce que tu veux? C'est ça, en fait. En fait, moi, je suis un espèce de paradoxe. Je suis la rue et je suis la sensibilité aussi. C'est ça? C'est ça qui fait que je suis craquant et que les Français m'adorent. Est-ce que c'est pour ça que tu. Est-ce que c'est peut-être pour ça que t'es un Renoir sucré? Oui, voilà, je suis hyper sucré. C'est pour vrai que ces raisons-là. Sucré comme moi. Ouais, je le sais. C'est pas moi de le dire. C'est vrai, c'est pour ça qu'on se permet de le dire. Ouais, moi, c'est pas moi de le dire. Dernière question des news du Floodcast. Enquête sur l'anatomie féminine. Savez-vous le clitoris? Non, c'est pas ça. Je connais rien. Savez-vous ce qu'est le nubis et surtout où est-ce qu'il se trouve? Sachez que 45% des hommes ont affirmé avec certitude qu'ils savaient où il se trouvait et 31% des femmes le savent également. Mais nubis, c'est pas un dieu égyptien? C'est dans l'utérus. C'est dans l'utérus. Ah, tu connais toi? Bah oui. Ouais. C'est dans l'utérus. Alors il faut savoir que ça n'existe pas. Et que c'est justement tout le thème de l'enquête. Sublime. En fait, ils ont demandé à des gens, vous savez où c'est le nubis à l'anatomie féminine? Et t'as 45% de mecs qui ont fait, bien sûr. En fait, c'est vraiment génial. Comme à l'école. Mais tu savais pas que j'étais un ringard. Tu t'es fait avoir. Nubis, clitoris. Il avait même pas dit la question, j'ai dit clitoris. Parce que je sais que les questions centrales autour du clitoris sont hyper importantes. La voix s'est reposée. Et oui, parce que je suis vraiment quelqu'un de très. Je connais très très bien l'anatomie féminine. Bien sûr. Et voilà, tout ce qui est anatomie utérus, vaginal, clitoridien, je m'y connais vraiment très bien. Mais c'est vrai. Et c'est pas moi de le dire. Non, mais vraiment, c'est pas moi de le dire. Mais je connais très très bien tout ça. Est-ce que vous êtes un peu mytho? Bah, JP, on a un peu la réponse. Du coup, est-ce que vous avez. J'adore. Sophie-Marie, toi, est-ce que t'as. Ou dans le passé, t'es un peu mytho? Est-ce que c'est quelque chose que. Parce que t'as été très sincère. Il n'y a pas de piège, je sais pas te faire dire des trucs. Non, si, c'est possible que j'ai déjà menti, oui, bien sûr. Non, mais est-ce que c'était d'un truc. Tu pourrais dire, franchement, je m'y tenais beaucoup ou pas? Il n'y a pas de piège, je te promets. J'ai bien envie de faire des blagues. Moi, par exemple, à l'école, j'étais un gros mytho, par exemple, au collège. Ah, moi aussi. Moi, de toute façon, moi, ça prend pas autant de temps que Sophie Marie Laroui. Tu me demandes, est-ce que je suis un mytho ? Oui. Mais par contre, je mens pour des trucs inutiles. Montre. Genre, par exemple, comme ça. Non, mais par exemple, s'il y a un truc grave qui se passe et que si je mens, ça va m'arranger. Ça va m'arranger de mentir, en fait. Oui, bien sûr. Mais là, je vais pas mentir. Ah, ok. Là, je vais dire la vérité. D'accord. En fait, j'ai pas compris. Mais un COD un peu. Alors, voilà. Par exemple, doucement. Si on te dit. Mais t'étais où tout à l'heure T'étais où Et il faut pas que je dise que j'étais quelque part. Parce que ça, il est dans la merde. C'est pas bien. Ok. Tu vas pas mentir pour sortir de la merde. Il va assumer. J'assume de dire la vérité pour les choses graves. Alors que normalement, je devrais mentir. Okay. Alors, si on lui dit, t'as vu, je sais pas, le retour de la momie, il peut dire oui alors qu'il a pas vu. Alors, ça sert à rien. Ouais, tu vois. Non, le retour de la momie. Je l'ai vu, je peux t'en parler longtemps, j'adore ces films. Allez, Imhotep. Et Anak Sunamun, bien sûr. Non, mais tu vois, donc en fait, c'est des mythos qui servent à rien. Mais c'est ça, moi je suis très là-dedans aussi. Et c'est inutile en fait, dis la vérité, pourquoi tu mens en fait? Mais moi j'ai réalisé, en tout cas quand j'étais à l'école, que c'était aussi un complexe d'inculture un peu. Genre souvent c'est genre hey, tu connais lui, et je faisais ouais. Ah ouais. Alors je connaissais pas. Ah oui, bien sûr. Oui, c'est aussi pareil avec les films. Oui, est-ce que t'as vu ce film? C'est ça. T'as maté Les Enfants de la télé hier avec Michael Youn. Grave. Et du coup maintenant il connaît tout. Il connaît tous les films. Du coup j'ai rattrapé mon retard pour plus jamais. Tu regardes beaucoup de films et tout? Ouais, beaucoup. Bah, voilà. Enfin, beaucoup, je sais pas. Dis un film, il le connaît. Théma quoi, il y a des disques, elle est chambée, elle. Ouais, c'est pas des DVD ça. C'est des livres. Ça s'appelle des livres, SML. Oh waouh, elle a jamais vu de livre de ça. Dites des films, je suis sûr que je les ai vus. Un film tout simplement noir, je l'ai vu. Non, moi je pense, alors moi je suis là, j'ai un film que t'as pas vu, j'en suis sûr. Tu connais Bronx Barbès? Non, j'ai pas vu. Ah bah voilà. Est-ce que t'as vu Au fond des bois? Non, j'ai pas vu. Voilà. Ah, voilà. Est-ce que t'as vu Le cochon de Gaza? Ah, ça j'ai vu. Ah, ça, excellent. Film. Ah, le cochon de Gaza, c'est connu ça. J'adore. Il met des chaussettes à son et cochon. Hein, le Nubis de la reine. Ouais, ça. Je le connais, mon pote. Non, mais tu regardes genre tous les films? Tu regardes genre tous les films ou... Non, pas tous les films. Il regarde beaucoup. Non, mais je veux dire pas que français, ça que je veux dire. Ah non, je regarde. Je m'aime plus en vrai. En vrai, j'ai une culture méga mainstream. Ah, mais, mainstream. Mais c'est pas vraiment de la culture, quoi. C'est un truc de bloc, quoi. Oh, c'est draguer une intelligentsia. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est que tu as déjà en plus. Ouais, je l'ai déjà. Et c'est pas moi de le dire. Moi, t'as eu humilité à fond. Bah, j'ai ouais. Adrien, est-ce que je suis mytho? Ouais, pas aujourd'hui, mais tu l'as jamais été? Non, franchement, non. T'as été T'avais pas un énorme. C'est juste que je suis pas intéressant, quoi. Juste, je suis un gars. C'est même pas. Fait. Je me vante même pas. C'est juste. Une ligne droite, une petite croisière nulle. Vraiment, non, sans relief, faut, quoi. Non, il faut pas que tu te dévalorises comme ça. Parce que t'as des qualités. T'écoutes le podcast ou pas? T'écoutes le podcast ou pas? Absolument pas. T'aimes bien se dévaloriser. T'aimes bien te dévaloriser? Tu devrais pas. Parce que t'as beaucoup de qualités. Comme par exemple. Il y en a une qui saute aux yeux. Vas-y. C'est encore pire que une insulte. C'est tu te laves. Tu te laves tous les jours, je t'adore pense. Te c'est laver, c'est toi, vrai que je me lave tous les jours. Est-ce que tu fais les entre-doigts de pied à chaque fois? Non. Bon, c'est pas grave, voilà. C'était pas qu'on peut couper. Non, ah, moi les pieds, c'est pas grave. Ah ouais? Ah bah ouais. Ah, ils en font ça. Ouais. Moi je le fais pas. Toi t'es très grand. C'est plus facile pour les petits. Il faut un siège de. C'est ça, tu peux te cogner et tout, c'est normal. Une fois j'étais tellement fatiguée, j'ai mis un tabouret sous ma douche pour m'asseoir. Mais il paraît qu'au Japon, je crois, c'est ça, t'as des endroits pour t'asseoir et que quand tu reviens en France, justement, t'as un côté un peu. Oh, c'est casse-couille du coup. Bah, il y a plein de trucs au Japon qu'il n'y a pas en France. Il paraît dans les toilettes. Genre, il y a des trucs. Je sais pas, des petits jets dans le cul, là. Des bails de ouf et mais tout. Justement la douche en gros quand le fait de se laver assis apparemment c'est mieux pour se laver parce bien que t'as sûr. Vraiment le temps de laver les jambes, les pieds, bien les trucs. Sûr. Alors que quand t'es debout par exemple laver plus tous le tes temps pieds. Que n'importe quoi le temps si si là c'est plus facile genre t'es debout tu fais ah j'ai pas le temps ouais. Mais c'est Jean-Pierre Marielle sous la douche qui veut se laver il se lave hein, les vieilles excuses non mais là quand... je me serais bien lavé mais j'ai pas de tabouret donc non mais ce que je veux dire c'est que quand t'es non quand même je me lave les pieds quand même je reviens sur mon truc. Il a vu longtemps il a vu les tweets passer. Non c'est pas ça, c'est que parce que je lave mes pieds en fait. Ça se voit tu te mets une bonne bassine devant le journal, toi. Non, pas du tout. Avec du sel dedans. Non. Des petits poissons. Non, pas du tout. Ah, ça, j'ai fait une fois et j'aime pas du tout. Ah, ouais, quoi les petits poissons, les poissons qui bouffent tes trucs de pied là. T'as jamais essayé J'ai jamais vu ça, non. Ah, ça t'as jamais vu ça jamais vu ça, j'ai jamais entendu parler. Moi, je viens des Vosges, donc je mets pas mes yep dans des poissons dans quoi que ce soit, pour de l'argent, en fait. Donc, on va passer à un autre jeu. Yes. Ah oui. C'est Adrien Méniel qui va s'en charger. Ok. Oh non, pas lui. J'adore ça. Tu vas voir, ça saute aux yeux. Chouchou derrière. Ça te plaît? Ouais, j'adore. Regarde, hop là. Ah, oh, c'est beau. Oh là là. Comme ça, j'ai un contrôle total. Alors, qui dit Yo Mama dit rap. Ouais. Vous êtes deux férus de rap. Ouais. Il me semble. Et je croyais qu'il allait dire qui dit Yo Mama dit banlieue, dit noir, dit Afrique. Alors, ça, c'est le jeu d'après. C'est mon jeu. Ah, c'est le jeu d'après. Okay. C'est cité ou pas cité. Ben, vous verrez, c'est très sympa. Non, et c'est un jeu qui s'appelle Rap Réel ou Rap Méniel. Méniel, c'est mon nom. Mmh. Je vais vous dire des punchlines. J'aime bien que tu faut... rappelles que Méniel oui, mais ton... parce qu'il me connaît pas. J'ai déjà vu ta tête. Il a galéré à trouver une qualité déjà pour moi. Donc, mon nom famille. Il a fini par tu te laves. Tu te laves. Ce qui est à peine une. Ce qui est une constatation. C'est une qualité, il y en a qui se lavent. C'est toujours mieux que. Oui, oui. Disons qu'à mon niveau dans la vie, j'espérais une qualité autre que juste se laver. C'est une qualité pour un enfant de 6 ans, mais c'est cool. C'est ok. Il faudra tout simplement me dire si c'est une vraie punchline de rappeur qui a été. Là, je suis imbattable là-dessus. J'étais sûr que t'allais dire ça. Ouais, je suis imbattable. Il a bossé, il a bossé. Il a bossé. Et, ou alors si c'est un truc que j'ai inventé. Vas-y. Moi, je te connais par cœur, donc je vais voir à la lueur dans tes yeux si. Ça, c'est ce qui peut me. Ouais. Ok, première. Alors, il faut, je vous dis, j'ai pas choisi les punchlines les plus sophistiquées ici. Non plus pour que. Oui, ça d'accord, puisse... d'accord. Calme-toi. Ouais, je vais mettre mon poing dans la gueule. Ouais, je le sens, je vais mettre mon poing dans mais la ça, gueule. Ça, ça fait le buzz pour le mais film. On est là, Flaubert, dis à ton pote, nous, c'est la rue, frère. C'est pas vos bails de showbiz, frère. Ah ouais, frère. Alors. Il sert un petit verre d'eau. Il sert de l'eau en même temps. Voilà. Comme un vrai rappeur. Un petit verre d'eau. Première. Dites à Donald qu'il strump. C'est vrai. Non, c'est pas possible. Je vous laisse. Tu joues aussi, Florent. Ah. Bah. Non, bah, j'y crois pas. J'y crois pas. Mais qu'un Florent, rappeur il digne écoute de ce nom. Machine Pumpkins. Non, je connais l'hip-hop. Hein. Non, je connais rien. Non, Adrien Méniel. Chacun c'est me faux. Donne une réponse. Donc Sophie Marie, tu dis vrai. Ouais, je dis vrai. Moi, je dis faux, moi. Faux. Donc. Et tu veux que je te dise à peu près d'où ça vient? Attends. Toi, tu dis quoi, Florent? Moi, je dis faux. Tu dis faux, vrai. Vrai. Et tu dis que ce serait qui? Bah, pour moi, c'est un premier album. C'est une comme une sorte d'erreur, tu vois. Alors, j'ai pas creusé à ce point-là, mais c'est vrai. C'est Black M. Mais oui. Ah oui. Wow. Donc, tu vois, imbattable, et on répond fou à la première question. Dites à Donald qui se trompe. Ouais. C'est pas un premier album, je vous le dis. C'est pas. Parce que non, Black M, c'est la section d'assaut, donc c'est avant Trump. Donc. Avant Trump, oui, président. C'est vrai, t'as raison. Donc, voilà. Putain, mais t'es historien. Mais j'adore en fait. Le rap. Non, mais là, tu l'enfonces en plus. J'ai une casquette Watibé en fait. Essayez pas de me. Mais les soirs de samedi soir, toi, c'est ça. T'es comment là-dessus? Bah, je pense que ça le déçoit. Ah, bah, moi, bah, mais à chaque fois. Ou... Ah, bah. Assez régulièrement. Bon, je comprends. Faut dire que pour quelques billets de son, ça peut partir en giclée. Alors, elle a la tête de Shrek, mais une bête de Schneck. Oh, ah, ça c'est vrai. Ouais, puis j'ai envie en tout cas. Malheureusement, ça doit être vrai. Ouais. Non, c'est faux, c'est. Oh, c'est moi, Méniel. Incroyable. Eh oui, bah attendez. Alors, ça si vous avez adoré. Du Booba, pour moi c'était Booba. Ça aurait pu être Booba. Pour moi c'est Booba. Mais tu sais que c'est un peu le Booba. Le Booba blanc. On m'appelle le Booba blanc, moi. Donc, c'est un tien pied. C'est, c'est 12. Ah non, mais attends, on taffe ici. Hein. Ah, pour moi, c'était Booba. Là, il m'a eu. Pour moi, c'était Booba. Pour moi, c'était Booba. C'est digne de Booba. Je rappelle que j'ai écrit des blagues sur le film. Donc, bon, il n'y a pas le mot Schneck. J'ai évité le mot Schneck. Nous, c'est zéro blabla, zéro tracas comme MMA. C'est vrai. Ouais. Je crois même connaître le rappeur. Caris. Alors, attends. Toi, tu dis. Je me range du côté du gay, car il est la rue, je le rappelle. Suzboul. Bien sûr. Il est extrêmement célèbre, je te rappelle. Est-ce que j'ai confiance en JP? Ça va décider là-dessus. Attends, je vais être en libre arbitre. Est-ce que tu peux redire la phrase, s'il te plaît? Nous, c'est zéro blabla, zéro tracas, comme MMA. Putain, c'est pas ouf. Allez, c'est vrai. Vas-y. C'est vrai, ouais. C'est vrai, vous dites tous vrai. Ouais. C'est vrai. C'est mais c'est pas Caris, c'est MZ. Ah, oh, c'est dommage, oui, bah, on l'embrasse par ailleurs. Bah, c'est un grand fan du c'est podcast. C'est un groupe, oui, MZ, non? Peut-être. Il y a Joker, HP, Demo. Oui, mais c'est vrai que Joker, il a toujours des jus de fruits. Je rigole, ça va, on peut faire une blague. Plaisante. Il est toujours sur la limite. C'est ténu. Oui, je vois. Non, je me suis trompé, mais bon, je savais que c'était vrai. J'avais entendu. Non, mais moi, pour moi, de toute façon, on compte pas les points, mais t'as ce serait bien qu'on compte les points. Bah, t'en as un. J'aimerais bien gagner. Alors. Je pensais pas qu'on s'ignorerait comme Simone à cause du montant. Non, non. Bah si, non, mais arrête. Si. Alors, Florent dit faux. Moi, je veux donc pas croire dis, à une ref. Toi, tu dis Méniel. Moi, je dis que c'est Méniel. Moi, je dirais après elle et je dis genre Dinos-ish. C'est malheureusement vrai et c'est Nekfeu. Ah, tiens donc. Voilà. C'est pour ça, on dit Nekfeu, Nekfeu. Le Fennec. Mais moi, je l'appelle le Fennec. Moi, j'appelle le Fennec. Hein, moi, j'aime bien Nekfeu en plus. Ah oui, mais parfois, il y a des petites sorties de route. Non, mais il faut le dire, c'est pas grave. Ça arrive, c'est avec les erreurs. Qui fait pas d'erreurs autour de cette table Bah, JP, moi, je crois. Oui, ouais, JP, à part je JP. Je me rappelle pas la dernière erreur bah, que là, j'ai faite. Bah, là, je regarde. Ça devait être à l'école primaire. Non, mais franchement, depuis, j'ai fait un sans faute. Alors, la numéro 5. Frère, si je sors la AK, je sais qu'ils feront tous caca. Oh, putain. C'est faux, c'est Méniel. C'est Méniel. Il boit un verre vide, regardez-le. C'est Méniel. Bien, non seulement c'est vrai, mais c'est Lacrim. Ah, aïe, aïe, aïe. Oh, waouh. Okay. C'est vrai qu'en studio, des fois, on est fatigué. Bah, un moi, album, je connais un album, c'est 25 chansons, hein, les amis. Mm-hmm. Donc, voilà. C'est un freestyle. Donc en plus, on pardonne plus facilement. Attendez. Faire caca. Ton style est passe-partout, normal, t'es un petit nain. C'est Méniel, c'est Méniel, c'est Méniel, c'est Méniel. Normal. C'est Méniel, c'est Méniel. Ça, c'est Méniel. Sans surprise. La ça, c'est Méniel. Tu sais moi. À quoi je t'ai eu? Petit nain. Ouais. Au début, j'avais mis nain, et après, j'ai dit, pour le kiff, je vais mettre petit nain. Mais parce que ça Méniel. Peut brouiller les pistes en vrai. Méniel, c'est moi, j'ai 2 points. Okay. Je suis comme Napoléon, j'ai un bon appart. Ah si. Méniel. Et ça c'est Méniel. Ça c'est Zwinkel ou un truc Méniel. Comme ça. Méniel. Méniel. Je suis marié. Méniel. C'est vrai et je pense qu'en effet c'est des blancs qui vont dans des festivals. Non. Alors c'est vrai, mais c'est pas du tout. Ah ouais. C'est Ticket Boss. Je connais pas. Je connais pas. Ouais. Mais, si je mets des gars qu'on connaît pas aussi. Oh, c'est un jeu. Ok. Question suivante. Je fais la quicheta, toi tu fais rien. Je suis végéta, t'es végétarien. Oh génial, c'est vrai et c'est une très j'ai belle envie phrase. D'y croire. Ouais, oui. Ouais. Méniel. Non. Oh, c'est. C'est Méniel. C'est superbe. Oh, c'est Méniel, j'ai 3 points. Un enfant d'avec 93. Écoute que c'est moi, j'ai 3 points. Non, c'était, ouais, c'était moi. C'était superbe. Moi. On me commande pas, je suis pas une pizza. Vrai. C'est réel. Ouais. Vrai. C'est vrai. C'est Mister You. Ah, ok. Très wow. bien. C'est vrai. 4 points pour moi. Putain, c'est attends, t'es passé. Ah non, t'en avais 3. J'en avais 3, là j'en ai 4. Ok. Démerdez-vous. Moi j'ai 4 points. Un jeu ou un cosinus Moi j'ai 12 points donc. Non, t'as pas 12 points. On est à la moitié du jeu à peu près. T'as 2 points. Vas-y. Ils ont peut-être l'épreuve, tes potos, mais la vie c'est pas Koh-Lanta. Vrai. Vrai. C'est vrai. Réel. Faux pour moi. C'est Florent qui marque le point. Allez. C'est du Méniel ça. Oh là là. C'est Yo le rappeur. Et je suis un rappeur je crois. Dis yo mon pote. Yo. Oh mama. Là. Yo mama. Allez en salle. Je raccroche le les 8 wagons. Juillet allez, de... Le 5. Ah putain. J'ai fait exprès. Donnez-moi de l'argent pour écrire des blagues sur les films. J'adore. Alors on va te traiter comme Maastricht. Super. Vrai. Non. C'est super. Vrai. C'est réel. Réel. Oh, allez oui si allez. C'est encore Nekfeu. Ah, tiens donc. Mais il aime trop mettre des mots. Il avait en Carta 2000 sur son ordi, je pense. C'est... Ouais, c'est ça, il y a des refs et tout. J'ai. Carta 2000. 5 ouais. points. Alors. C'est mon petit cadeau. J'aime bien. Non, mais c'est bien, tu remets au ah, centre. Moi, j'ai 5 points. Ouais. T'es le Robert Wurtz de l'émission. Un peu. L'arbitre. T'as pris le melon, maintenant t'es vendeur de melon. Oh. Méniel. Oui. Non, ça existe. C'est réel. Ça. Méniel. Réel. Orelsan, en vrai, il a des phases un peu comme ça. Méniel. Réel. Moi, je dis réel. Méniel. C'est réel et c'est Orelsan. Allez. Oh non. C'est un frérot. Non, mais il Orel. Le connaît. Le il connaît, le connaît, c'est mon frérot. N'écoute que de rap de blanc. Donc ouais. Moi, si c'est Vald Orelsan. Ou les Zwinkels. Zwinkels, Néochrome Music. Les Fulas que t'as sorti, c'était des blancs. Non, mais c'est Zwinkels et Orelsan. Suivante. T'as cru que j'étais ton gars? T'es fou, tu t'appelles Jean Wilfried comme son gars. Comme son gars. Méniel. Méniel pour moi. Méniel. Réel. C'est Méniel. Ah oui, ouais, j'ai 6 points. Ouais. Elle est bien. Attends, je suis pas loin de JP moi là. Non, t'as 3 points. Non, tu rigoles. Bah Ah mais tu comptes pas. Mais je compte pas. Ouais, t'as 3 points, elle, elle a 2. J'ai eu Aurel ça. Non, non. Je pense que j'ai 2-3 que t'as pas t'as eu. Je propose points. Qu'on arrête et qu'on fasse un jeu de plateau filmé en top shot, un Uno avec JP qui va pas tricher. Non, du coup. Non, t'as 2. Non, j'ai bien suivi. T'as 2, il a 3, moi j'ai 7. Ok, t'en as rajouté un là. Oui, j'ai rajouté. Vraiment. Parce que je sens que ça commence ça à se rapprocher. L'écart un peu creuse. Non, j'avais oublié un point avant. Non, j'ai 7. Okay. Pour de vrai, j'ai 7. Ok, ok. De toute façon, on laissera les auditeurs et auditrices juge. Compter. Avant, je me faisais ralasse. J'avais pas un radis. Maintenant, je suis en place, comme Jean-Pascal Zadi. Bah, c'est Méniel. Parce que je me faisais ralasse, je me faisais payer. Ça n'a pas de sens. En place, comme Jean-Pascal Zadi. Allez, j'ai envie d'y croire. Allez, c'est vrai. Mais j'ai déjà. Ah, je me faisais finir. J'ai Benjamin Epps qui avait fait une phase sur WAM, frère. Ah ouais C'est quoi la phase? Je m'en rappelle plus. Je vais regarder. C'est Est-ce pas, que Khalas c'est payé, pas, mais c'est aussi Khalas fini. Pardon, je non, remonte. Khalas. Je me remonte. Mais se à faire Khalas, la... ça veut dire se faire c'est... payer des trucs. Non, mais ouais. Moi je dis que c'est vrai, parce que les rappeurs ils ont du goût et tout. Donc toi tu dis. Ah, c'est dur, putain, c'est Méniel. Ah, oui. Toi oui. Tu dis Méniel. Ouais. Toi tu dis. Moi je dis Méniel, oui, oui. Et toi tu dis vrai, c'était Méniel. Ouais. Je me suis dit, petite face de Susboul. C'est Youssoupha, feat Benjamin et Célino. Effectivement, ils ont une dent contre moi quand Jean-Pascal Zadi. Bon, t'es pas obligé de dire. T'es pas obligé de dire la phase, je te dis que. T'as regretté de le dire. Il avait fait non, mais. Passons, question suivante. On embrasse Benjamin Epps et on n'oublie pas de protéger les enfants. Mmh. Grave. Non, c'est Dieu qui les bénit. C'est pas toi. Ok, question suivante. Il en reste 4. J'écris c'est des méta. C'est hyper long comme jeu. Oh, y a pas de souci. Tu boutes ton plaisir. Non, je boutes pas mon plaisir. Est-ce que bon, c'est pas... attends, on reprend en compte les points. Moi j'ai 8. Ouais, moi j'ai 1. Non, 8. Attends, d'où t'as 4. 8 alors que tu viens de répondre faux à l'instant là. Parce t'avais 7 avant. Un malade. Ah, pardon, je me suis trompé. Un malade. 7, 3 et 2. Mais est-ce que le jeu te plaît pas parce le jeu te plaît pas parce qu'il est trop long ou parce que t'as dit je suis imbattable et t'as quand même la moitié à peu près Il de reste faux. Combien de questions attends, il en reste 4. 4, j'ai 7, il a 3 et il y a 2. Bah t'as déjà gagné. Donc j'ai gagné. C'est vrai, c'est vrai. Bravo, bravo. Elle a 2, la honte. C'est le BD d'Astérix, bien joué. Waouh. Astérix, c'est le chaudron. C'est le chaudron, magique. Question suivante. Mm-hmm. J'écris des métaphores, eux des métafaibles. Oh, c'est vrai. Ouais. Réel. Oui, c'est vrai. C'est réel, c'est rof. Allez. Ah oui, c'est clair. Ah, rof. Allez, j'ai 8. Roche de Zef. Allez, j'ai 8. Toi, t'as 4. Oh, putain, en fait, non, c'est toujours 3. Moi, j'ai toujours 3. Ah oui. 8, 4, 3. Mathématiquement. Question suivante. T'as tellement sucé pour le succès, t'es comme un vampire, mais en pire. Ouais, réel. Pour Méniel, moi, c'est faux. Méniel, c'est Méniel, Méniel. C'est Méniel. Ah allez. Oui, 9, 4 et 3. Mais oh, tu gagnes jamais de points, toi. Mais oh la main. Alors, je m'en suis tiré, mais 4 oh depuis. La en vrai, je pense que je suis égalité avec JP. Mais non, bon, arrête de pas mentir. Les j'ai 9, 4 et 3. T'as oh la honte. N'importe quoi. Oh la honte. Vas-y. Non, mais hé. Attends, il a fait des docus et tout. Je suis désavantagé. Bien sûr, bien sûr. Quand tu me vois, tu fais des traces de pneus. Normal, ça fait 24 heures que tu mens. Waouh. Méniel. Méniel. Méniel. Non, moi je veux y croire. Tu veux y croire? Ouais, j'y crois. Mais t'as tort, c'est moi. Ah merde. Allez, 10 4 Je pourrais pas juger 4. Le rap français chez GQ, je suis dégoûté, putain. 10 4. Mais si, tu peux, vu les gens qui Anyway. Ok. Ton amour, c'est comme du chocolat. En gros, quand elle est nue, t'es là. Méniel. Ça, c'est toi, ça. Méniel. Je suis espantée. Je suis en poker face. Putain, on dirait Philippe Bouvard quand tu fais la poker face, Adrien. C'est toi. Donc vous dites tous Méniel. Ouais. Ouais, Méniel. Et c'est vrai. Ah oui. C'est... Alors je connais pas cette personne. 28 Volte points. Face. Attends, ah, donc... Volte face. Non, c'est pas toi. Non, nous, non, on non c'est vrai, vrai c'était toi. Que c'était toi. Oui, et c'est, ah, pardon, vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est ah, pas c'est vraiment réel. Moi. Ah, oui. C'est un vrai rappeur qui a ah, dit ça. Okay. Voilà. Wow. Il s'appelle Volteface. Volteface. Ah, ok, d'accord. Ah, okay. Voilà, et voilà. Bon, bah, bravo. Écoutez. Bravo. Incroyable. On peut faire un récapitulatif des points? Bien sûr, toi t'as 200. 18 Non, mais pour de vrai. J'ai pas compté pour de vrai. Soit on joue, soit on joue pas, faut être sérieux. Moi j'ai 10. Moi je pense qu'elle a 4 ouais. Et lui il a 4. Non, je pense que j'ai vraiment il a plus. Eu 4 pendant 5 bonnes réponses qu'il a donné, il a eu 4. Je pense qu'en vrai de vrai les auditeurs diront. C'est fou, vous avez bah, tendance attendez. À remettre en question JP, parce que je suis là. Il y a un nouveau jeu. On peut se refaire la cerise, il y a un nouveau jeu. Vas-y. Non mais attends, vas-y. Ce genre de petit truc, ça peut enflammer les réseaux. Les gens vont dire, mais non, elle avait gagné et tout. C'est très très bien pour et la promo du film. Et surtout que c'est très dangereux parce que, étant donné que t'es une personnalité préférée des Français, il se peut que tu sois le prochain maître Nadjar, par exemple la Miss France. C'est vrai. Et ça va être très compliqué. Bah, c'est clair. Parce qu'on ne saura jamais mais si t'as vraiment compté les points. Mais non, mais moi, pour moi, en fait, je trouve que vous prenez pas au sérieux ce que vous faites. C'est-à-dire qu'on fait un jeu... Compter les points, c'est pas à moi de compter. Non, moi j'ai compté parce moi, que j'adore gagner. Pas les points. Mais oui, du voilà. coup, je trouve que c'est mal organisé, donc c'est moi qui prends les choses en main et je crois vraiment. Donc tout tu ça t'autorises à tricher. Non, j'ai pas triché, mais je crois concrètement. Voilà, je rigole pas. Je crois que j'ai gagné. Je te propose un nouveau jeu. Vas-y. Je te propose un nouveau jeu et comme ça on compte vraiment les points sur celui-ci. Non mais là et je veux plus maintenant. Là je veux plus. Il fallait le faire tout à l'heure. Le jeu du feat improbable. Écoute nous jouer. Écoute jouer, tu joues pas alors. Non, il joue. Je joue, mais voilà, maintenant je joue plus pour gagner. Mais je savais, on joue pour le plaisir ou pas? Non, mais moi, j'ai. Moi, j'ai mais c'est on pour joue ça. Pour le plaisir. Mais plaisir. Oui, on joue pour le plaisir. Avant aussi, mais. Mais c'est pas grave. Chacun, il trouve son petit plaisir. Je vais vous poser des questions sur des gens qui ont fait des feats avec des rappeurs. Ah, tu m'étonnes. D'accord. Alors là, je vais gagner. Je commence très facile. On compte les points. Je vais gagner. Mais attention, qu'est-ce qu'il faut répondre? Vous allez voir, c'est des questions. Donc il faut juste répondre à la question. Ok, très bien. Mais attention. Rapidité, ok. Parce qu'au début, par exemple, c'est très facile. Ouais. Donc, attention. Vas-y. Le premier, je sais ce que c'est. La première réponse, je sais ce que c'est. C'est sûr. Ouais, c'est très la facile. C'est Bruel et Lafouine. Non, okay. Je l'ai pas mis dans le jeu. Bruel et Lafouine. Bernard Tapie et Tom Gynéco. Ah, non, j'ai essayé. Non, non plus. J'ai essayé. T'es resté sur des. Oui, ok. Non, mais c'est un peu bossé. Non, mais tu m'étonnes. Le premier est très facile, donc c'est vraiment de la rapidité. Quel basketteur a fait un feat avec Booba? Tony Parker. Ah mais j'ai tapé le premier. On n'a pas dit qu'on tapait. Il n'y a pas de buzzer. Il a buzzé. Évidemment Tony Parker. Tony P. Je peux permettre. Tu as le titre de la chanson? Les bras, lève les bras. Non. Balance. C'est Bienvenue dans le Texas. Mais oui, c'est dans celui-là où il dit on va manger des steaks gros comme la Croatie. Que j'ai failli mettre dans le jeu. Après, j'ai dit je lui ai déjà pris un rebond, Tony Parker. Je vais pas l'enfoncer encore oui, plus. Oui, vous êtes avec quelqu'un qui a joué avec Tony Parker. J'ai joué. Ah, mais oui, c'est vrai. Il y a eu un tournoi de 3 contre 3 sur Twitch et j'ai joué contre Tony Parker. J'ai été grotesque à ce. J'ai perdu tous mes moyens et j'ai trop mal joué. Mais les gens ont vu que j'étais une légende au basket. Putain, mais légende au rap, au basket, c'est incroyable quand même. De quoi? Ouais. Non, bah, c'est fou. Je suis une légende discrète. Qu'est-ce que tu fous là en fait? Qu'est-ce que tu fous avec Flo? J'attends que Flo me verse l'argent du Flopcast pour partir. C'est fou, tu te gâches mec, tu te gâches. Quel groupe de métal a fait un feat avec Soprano? Des Français? Kyo? Non, pas Kyo. Attends, groupe de métal. Megadeth. Pas Megadeth. Ah, non, français. Mais je connais pas le métal. Je sais. Soprano. Pigalle. Pas Pigalle. Plus récent. Mais d'où tu connais Pigalle? J'ai vu une affiche. Pas trop long. Pigalle du métal. J'ai vu une affiche avec le gars. RIP d'ailleurs. Ouais. Vous l'avez ou vous l'avez pas? Non, Enhancer. Oh, très bonne réponse, Enhancer. Mais c'est pas du hard rock ça? Ah ouais, alors que Pigalle, ouais. Bah oui. Et Enhancer, si, c'est quand même du métal. C'est quand même du métal. Ah ouais. Attends, mais là, on entend la musique? Bah, on rappelle qu'ils sont cinglés, si je me trompe pas. Hey, mais c'est vrai que c'est bien avec le casque. On entend la musique. Ça chante en français? C'est Soprano là? Ah oui, c'est Soprano Baba. On connaît l'accent chantant du sud de la France. Soprano Baba qui est venu voir le film et qui a adoré. Ah à Marseille. Et qui joue dans Tout Simplement Noir. Et qui joue dans Tout Simplement Noir. Mais par contre, il est très hypocrite. Faut pas écouter ce qu'il dit, Soprano. Petite note de l'attaché de presse là. À ma gauche. Non, il a kiffé le bail. Alors, quel basketteur, là encore un basketteur, une sauce, a fait un feat avec Jamie Foxx? Ah, LeBron James? Non. Jordan, Scottie Pippen? Non. Attends, avec le jeune là? Non. Steph Curry? Pas Steph. Non, putain, attends. Avec, t'as dit avec Jamie Foxx. Oui, parce que Jamie Foxx est acteur, mais il a beaucoup raté. Basketteur NBA. On rappelle. Il a fait de la NBA. Il est plus NBA. Mustapha Sonko? Non. Ah ouais, moi je peux pas répondre parce que je subis les matchs de basket à la maison, mais répondre. Attends, il est ultra connu. Attends, c'est un Français? Je sais. Ouais. C'est un Français? Ouais. Le basketteur? Ouais. C'est un Français. Boris Diaw? Non. Comment il s'appelle? Lewis? Zachary Noah? Non. Zachary Noah. Joachim Noah, pardon. Non. Attends, c'est très facile. C'est facile. Un Français. Un basketteur français, Tony Parker. très bonne. Ah putain, Marina, oui, ah, il nous a eu. Il a fait un feat avec Jimmy Fox. La chanson s'appelle L'effet papillon. Il nous a tué. Là, tu nous as fait une petite feinte. Je tiens à préciser qu'on compte pas les points là. Non, on joue pour le plaisir. Ouais, ouais, là, c'est pour plaisir. Tout à l'heure, il va les. Non, là, c'est fini. On compte. Quand les femmes marquent des points, là, c'est pour plaisir. Non, mais dans ces cas-là, fallait me prévenir. On l'a dit. Non, non, vous l'avez pas dit. Vous avez dit, on joue pour le plaisir. Quel footballeur. Attention. Il est sur son téléphone. Eddie Capron, Eddie Capron, Nicolas Nelka. A fait un feat avec ROH2F. Nicolas Nelka, Karim Benzema. Karim Benzema. Ouais, joli. Ah ouais. On compte les points, non? Oui, on compte. Non, mais je propose qu'on compte les points à la fin si JP en a plus que nous. Ouais, voilà. Juste. Fais-moi la passe. Ouh, fais-moi la passe. La cuenta. Ouais, dans la cuenta. La cuenta. Ouais. Quelle star internationale, une star internationale, a fait un feat avec le groupe IAM? Alors, il y en a eu plusieurs. Hein, mais... Wyclef Jean. Voilà. Bah oui. Alors, t'as dit quoi? Wyclef Jean. Alors, aussi. Mais bah c'est oui, pas il y a le Wu-Tang. Une chanteuse. Ah, une chanteuse. Une chanteuse internationale. Bonnie Tyler. Karine. Imagine, il dit oui. IAM, j'aime pas trop. Est-ce que une chanteuse noire? Oui. Okay. Ok, est-ce que c'est Alicia Keys? Non, non. Est-ce qu'elle est encore vivante? Elle est bien sûr vivante. Non, mais c'est vraiment. Bon, pourquoi? Une énorme, bien sûr. Une... Ah, Alicia, non, il y a une énorme vedette. Hein, je parle vraiment d'une star internationale. Plus connue encore. Waouh, Tina Turner. Plus connue. Bah, elle est morte pour plus le coup. Plus connue. Michelle Obama? C'est pas Michelle Obama. Mais c'est une. Attends, star internationale, t'as dit? Chanteuse, c'est une chanteuse. Ah, c'est une chanteuse. Ah, okay. Chanteuse, star. Ah, bah, Beyoncé. Beyoncé. Oh, très bonne réponse. Ah, on compte plus les points, je crois. C'est faux, ça. C'est faux, ça. La chanson s'appelle Welcome. Mais tu mens. On n'a jamais entendu c'est parler de ça. C'est Beyoncé derrière que vous entendez au début. Mais attends, c'était il y a combien de temps? Ça, c'était sur l'album. Alors, je me souviens plus le nom de l'album, celui avec le tigre. Et c'est celui-là où il y a le Wu-Tang aussi, où il y a Method Man et Redman. Oui. C'était il y a 20 ans, quoi. Peut-être il y a 20 ans. Ouais, c'était un gros menteur. Mais c'était à l'époque où elle était encore au Destiny's Child. C'était voilà. Pas encore. Elle était accessible. Et c'est qui qui a. Attends, mais peut-être c'est une question. Je dis-moi, dis-moi, dis-moi. Non, il y a. Qui est-ce qui a refusé un feat avec Rihanna? Je sais c'est plus. 113, c'est Rimka. Ouais, c'est Rimka. Superbe. Des mais choix. Pareil, à l'époque. Un point, un point. Moi, j'en ai rien à foutre, c'est une question. Ah non mais j'ai deux là. Quel célèbre chanteur a repris son hit, chanteur de variété, avec William Baldé, Sheriff Aluna et Big Ali? Michel Delpech. Michel Delpech. Mais non. Le gloire est cher. Et en fait c'est alors c'est elle un est live. Incroyable. C'est un live. Mais elle est, c'est fou. C'était au concert pour l'égalité à Paris et c'est Michel Delpech qui est en feat avec Sheriff Aluna et Big Ali. Et ce qui est très cool c'est Big Ali qui fait les backs de Michel Delpech. Ah, JP l'aime pas. Non. J'ai une info à vous dire. Très grave. Je dois y aller. Non, il paraît que Big Ali parle français. En mais ouais, il est un peu francophone, ouais. Ah, ouais. Il est canadien, je crois, et il parle un peu français, ouais. Quel célèbre quel chanteur de variété plus jeune a fait un feat avec Big Ali? Alors, moi j'en connais un, mais je sais pas si Goldman. C'est. Goldman? Non. Moi il y a Bernard Minet, mais je sais pas si c'est à lui que c'est tu penses. Bernard Minet, okay. Mais tu m'as grillé celui d'après. Ah pardon, bah, j'ai la réponse. Bah on va s'écouter celui-là du coup. T'aurais pas dû le dire. Bah je l'aurais dit après. Pardon, on s'embrouille. Parce qu'après j'avais quel chanteur que les enfants adoraient des 80 a fait un feat bah avec oui. Bilali. Bernard Minet, il a fait une chanson pour la dernière Coupe du Monde. C'est ça. Il a repris Olivier Tom. En 2018? Non, la dernière là. 2023? Ouais. C'est ça. Il a repris Olivier Tom en changeant les paroles. Avec un petit autotune. Et bon le son. Et attends parce qu'il y a la victoire. Quand on a le ballon au bout du pied. Quand on a trouvé le bon. Mais c'est super, frère. Mais c'est passé vraiment inaperçu pour le coup. Ah, c'est dommage. Et attention. Et là, ça part. Pas BG Dream qui veut, hein. Ah bah oui, BG Dream, bon, c'est un classique, on n'a pas entendu ça. Donc, attends, un autre chanteur de variété, un autre chanteur Vianney, qui a fait un feat avec Big Ali. Non, Vianney, c'est avec Gims. Ouais. Non, non, mais c'est pour dire. Non, mais n'étale pas ta culture. Hein. Je vous invite. Food rap. Qui t'invite? Food rap. Je suis food rap. Donc Big Ali, quand même, qui a beaucoup de feats. Hein, ouais, mais il adore. Ouais. Il parle français pour de vrai. Ouais, bah là, au début de celle-là, il dit allez les bleus, hein, quand même. Ouais. C'est vrai, c'est vrai. Alors attends. Donc plus jeune que Delpech, tu dis. Ouais, ouais, ouais. Plus actuel, il fait encore des chansons et tout. Florent Pagny. Très bonne réponse de JP, ça dit. On compte les points. Incroyable. On compte les points. J'y fais enlever le casque. J'y fais enlever son casque. Non, mais tu sais qu'il y a pas longtemps, je me posais une question. Attends, y'en a. Attends, parce que là, y'a Big Ali. En vrai, ça va. Y'a quand même un peu. Everybody! Ouais, ouais. Mais attends, mais c'est la même chose que Face à la mer. C'est un peu face à la mer. C'est un peu mot d'enfant de Bruel et la Fouine aussi. Y'a un peu ce truc là. Attendez, moi j'ai une vraie question. Dis-nous. En fait, ils en sont où la variété française? Genre les... Non mais je te jure, je me posais la question. Genre les chanteurs de variété française. C'est Vianney maintenant, il disait Vianney tout à l'heure. Mais je veux dire, tu vois, quand nous on a grandi, il y avait la variété française. Ouais. Mais c'est le rap maintenant, la variété française. Ouais, mais ils sont où tous les mecs de la variété française? Et en vrai, ils sont encore là. Regarde Pagny, il est à. Mais Pagny, genre, j'ai jamais entendu une voiture qui roulait avec Florent Pagny. Ah, ça, je suis d'accord. Au feu rouge. Ouais, ouais. Mais ils sont mais où y en fait a plus beaucoup. Mais c'est le rap. Et ça passe sur quelle réponse? Et en fait, il veut juste. Non, mais il a pas son casque, il entend rien. C'est rhétorique. Non, mais c'est. Non, vous n'avez jamais passés. Posé la question, frère. Oh. Non, mais dans une passe qui est la nouvelle variété, il se demande où est passée la variété. Non, j'ai pas dit ce que c'est, j'ai dit ils sont où tous les chanteurs de variété? Mais en vrai, ils rentrent pas ils sont à la retraite, ils sont pas là. Comme Vianney. Ah ouais, oui, bien sûr. Oh, wow. Non, mais si, ils sont en ils vrai. Ont appris ils appris à aimer maintenant. Des plus petites salles, je pense. Mais ils tournent de ouf. Ah ouais? Ils continuent de tourner, bah ouais, de malade. En province et tout, il y a plein de gens. Mais qui oui, regarde quoi. Comment en il province. S'appelle Obispo, Willy Denze, il est en showcase hyper c'est souvent. C'est de la variété pour toi, Willy Denze? Bien hip-hop, sûr. Willy Denze, c'est bah du non, hip-hop. C'est de la variété. Il est en variété. Non, mais on parle pas de la même chose. Ouais. Tu parles de Bruel, tu parles de Willy Denze, c'est quand même pas la même chose. Non, ne dites pas, c'est pas ça. Ne dites pas, c'est pas ça. Bruel, il passe pas le mur du son, Bruel, pardon. Ou alors en posant des questions à la limite. Oh, wow. Bounce et Billy Crawford. Bah lui, il est où Billy Crawford? Ah, il y a eu des trucs de Combini, on l'a revu. Non, là, il a fait Danser avec les stars. Billy Crawford. Ouais, mais Danser avec les stars. Il a fait Danser. Et en tant que star? Oui. Oh, c'est marrant qu'il le fasse en tant que candidat quoi. Il le met avec une star. Tu ferais Danser avec les stars? Non. Pourquoi je ferais ça? Pour l'argent, pas, pour l'argent. Pour l'argent, dans 30 ans, quand ça va. Tu vois, tout 30 ans, oh, il est trop gentil, il a dit moi, dans 30 ans. Je pense que t'es une vedette, t'es le bel Mondo de notre époque. Oh putain, il est vraiment gentil. Oh, ouais, ça va, j'ai déjà bossé pour lui avant de le sucer. Ouais, ouais, il dit ce qu'il pense, voilà, il a le droit de dire. Oui, on compte les points. Excusez-moi de représenter les Français. Voilà. Non, je sais pas, danser avec les stars, non, je le ferai. Ok, merci pour ta réponse. Ensuite, c'est le mari, tu ferais danser avec les stars. Non, mais tu le ferais. Non, parce qu'il faut mettre des collants chers et franchement, c'est pas, y a pas moyen. T'es obligé, tu penses? Ouais. Alors, et une autre question, est-ce que tu ferais Masked Singer? Non, parce qu'il m'angoisse au plus haut point, c'est les masques. Ouais, moi, j'arrive toujours pas à comprendre le principe de ce truc. Il y a un mec, il a un masque, il chante, et après, tu dois deviner qui ouais. est dedans. Oui, mais c'est impossible. Ça. Mais c'est pas que ça, parce que. Avant genre, qu'il chante, je pense à quelqu'un, deviner qui c'est. Bah, je sais pas. C'est quoi ce principe? Ah, le fait. Je regarde peut-être, mais. Il y a pas que ça. Il y a des petites bandes annonces avant énervé. Chaque chanson. Avec des indices? Avec un peu des indices. Moi, j'avais vraiment regardé Masked Singer. Bah, non, moi, non, du coup. Mais moi, je suis la France, moi. Il regarde tout, mais je t'ai dit qu'il regarde tout. Je t'adore et j'adore Masked Singer. Ok. Je suis la France. Il regarde et c'est tout. Ma chanson d'ailleurs aussi. C'est fou. Ouais, bien sûr. Il était fou de rap en plus. Et c'est toujours le couscous, le plat préféré des Français? Non, pas du tout. On l'a fait, dis-toi, on a posé la question il y a 3 émissions. Je sais plus, c'était le bœuf bourguignon, une connerie comme ça. Non. Ah oui, d'accord. Ah non, c'était les fruits de mer. Oui, mais nul à chier. C'est même pas un plat. C'était quoi, les moules? Bah, les fruits allez, de mer. Allez, rapport au sexe? Oh, il est fou. Ouais, ce mec. Il a fait un clin d'œil possible. Un plat. Non, mais pas du il tout. Il a fait un clin d'œil en faisant la blague. Non, mais il a pointé sa teub en faisant un clin d'œil. Non, c'est dur là. Trop bizarre. Toi, je vais te mettre mon poing dans la gueule aussi. Ouais, je comprends. Peut-être que Gaumont va demander un petit mot après enregistrement pour valider. Mais ça rigole. Les gens, mais ils se marrent. C'est la JP, il est marrant. Et JP, il est dans le film. Vous connaissez marrant, attendez, vous connaissez moule, frites, chorizo? Oui, bien sûr. Ah ouais, non, pas du tout. C'est trop bon. Ah ouais, c'est délicieux. Ah ouais, c'est trop j'ai bon. J'ai mangé ouais, ça à Bayonne. Jamais. Il y a ça à Bruxelles. Vers la mer, en Normandie, ah oui. Ouais, je sais pas. Tu dans les cartes, il y a moules. Ah ouais, c'est chorizo. Top. C'est trop ah bon. Oui. Franchement, c'est top. C'est vraiment trop bon. Tu fais revenir un petit peu d'échalotes. Oui. Chorizo que tu sais, tu fais suer un peu. Très bien. Et puis tu mets tes moules, schlac schlac schlac, après les avoir dessablés. À la fin, persil. Schlac schlac schlac schlac schlac. Pour moi, c'est le florilège de Bigard pour moi. La fameuse vidéo. Pornographie là, complètement. Ouais. Je vais revenir les moules, schlac, schlac, schlac. Fin de la parenthèse. Non, c'est juste que Bigard le dit littéralement dans le truc. Non, mais c'est niveau Bigard quoi, niveau mais Bigard. Il est folle de Bigard. Non, mais vas-y, c'est continue. Dingue. Non, mais c'est tout après. Schlac, schlac, et c'est fini. Tu foutes ton persil, les frites, tu te démerdes, tu vas les chercher. Un petit air fryer. C'est trop bon, moules, frites, chorizo, je vous jure, c'est trop bon. Moi, je pensais pas que ça existait. Et j'étais parti en Normandie avec ma famille, on était à une terrasse, et j'ai vu sur la carte. Moule, frites, chorizo, j'ai dit c'est incroyable. Ouais, c'est un classique terre et mer. C'est de l'appropriation culturelle ça pour me permet moi. De lancer en tant une qu'espagnol, pour moi c'est de l'appropriation culturelle. Mais après, non, voilà. Mais, faites ce que vous voulez. Non, mais voilà, le chorizo c'est. Voilà. C'est nous. Ouais. C'est nous. Es nuestros. Toi tu vois, JP, tu vois un truc dans le menu que tu trouves marrant, chelou. Lui, hein. Ouais. Il est très marrant. Ouais, vas-y. Il écrit sur votre film, ça qui est génial. C'est vrai, c'est vrai. Quand tu vois un truc que tu connais pas sur une carte, tu peux le commander au restaurant ? Par curiosité. Non, parce que je suis un gars qui assure. C'est-à-dire que moi, quand je vais au restaurant, c'est pour bien manger. Oui, c'est mais pas là, t'as pour testé. Tenter. Ouais, mais il n'y avait pas trop de risques non plus. Parce que les moules, oui, je sais ce que c'était. Les frites, je sais ce que c'est. Le chorizo, je sais ce que c'est. Ouais, mais c'est plutôt les mélanges de trucs qu'on connaît pas, ça me fait peur. Oui, bah, bien sûr. Tu sais, croûte d'artichaut avec je sais pas quoi. Ouais. J'y vais pas. Toi, t'es curieuse en plat ? Moi, je suis curieuse en plat dans certains établissements parisiens que je salue aujourd'hui, notamment Fulgurance l'adresse. et là-bas, il y a un chef qui change tous les 2-3 mois et c'est des résidences de chefs. Et j'ai notamment goûté. Ah, c'est le chef qui change, ouais, carrément. Ouais, okay. Ouais. Pas ça, mal, ça. Le principe, c'est que c'est des seconds qui deviennent chefs pendant le temps de la résidence et ensuite, ils ouvrent leur résidence. Donc, c'est de gauche. On donne la chance à des petits. Et on fait croquer les petits frères dans ce restaurant. C'est la strip là-bas. Et j'ai goûté une mayonnaise à la cervelle. Non, allez. Oh, en fin d'émission, merci. Non. Mais t'es sérieuse. Alors, j'ai rien dit sur moules frites chorizo, mais non. J'ai pas aimé, mais j'ai goûté. Et il y avait aussi des fourmis blanches dans le. Bah, non. Ah bon ? Ouais. Mais attends, je franchement, comprends pas. Je mets jamais les pieds dans cette merde. Mayonnaise à la cervelle, je comprends pas. C'est-à-dire. Bah, il y avait des. Ils ont mixé une putain de cervelle. Ouais, voilà. Oh là là. Ouais. Bah quoi non bah on les met en tôle direct. Pour moi c'est comme non mais tu sais les gens qui sont violents avec les animaux on dit ah c'est précurseur d'un truc de serial killer. Ça c'est la même chose et pour moi pas du un mec qui met une cervelle dans un mixeur. Allez. Et pourquoi pas du ketchup à la langue de bœuf. Bah pourquoi pas ouais non on la langue on la met avec du ketchup et ça met du ketchup à la langue de bœuf. C'est non pour moi. T'es trop fier de ta phrase. Ça non parce que j'ai réfléchi en plus. Ça, c'est un mec. Vite, qu'est-ce que je veux faire comme truc de fou? Non, mais le sniper. Je pense que c'est ce qu'a fait le cuistot. Salut les gars. Je pense que c'est ce qu'a fait le cuistot qui a inventé la. Il lui manquait une idée, il a fait. Mayonnaise cervelle. Il a inventé un truc sur le moment non, et après il a fait genre c'est une vraie recette. J'ai pas aimé, mais en tout cas, j'ai goûté. Mais j'ai. Tu veux un poste? Ouais, bah attends, t'as vu la fulgurance? Il vendait pas du ketchup à la langue de bœuf. C'est le flow de cast, ça. Tu veux essayer, t'as envie de rester. C'est le titre. Non, mais franchement, vous avez pas. Baffi, vous cherchez pas un sniper? Voilà, c'est censé être mais après t'es très connu, tu peux le remplacer à tout moment. Non mais tu le vires, tu perds pas grand chose. Attends, tu crois que ça va faire l'événement? On fait le pari la semaine prochaine, fais une émission sans lui, tu vas voir. Tu parles, les gens vont tu parles, mon pauvre. Il était pas là, Adrien Méniel. Non, malheureusement c'est plutôt si moi je suis pas là. Arrête. Et il te respecte énormément. Ouais, bon, contrairement à toi apparemment. Vraiment très humiliant. Déjà t'as dit il est marrant lui en parlant de moi à la troisième personne alors que je suis en face de toi. Et après, t'as dit, s'il est là, encore une fois, la troisième personne, en disant mon nom et tout, comme si j'étais pas un piège. Et ensuite, t'as eu quand même la phrase, vire-le, qui était voilà. Aussi quand même et pas le seul compliment que t'as trouvé, c'est que je me lave apparemment, oh, peut-être. Oh, mais tu prends tout mal aussi. Ouais. Quoi, t'as l'air, tu prends tout comme ça. Vous vulgarisez. Non. Chers amis, c'est bientôt la fin de l'émission, on va faire les recommandations culturelles. Ah oui, alors, pour le coup... J'ai prévenu personne qu'il fallait faire ça. C'est bien bossé. On va peut-être pas le faire sinon. Non, on peut le faire. On creuse la cervelle à la mayonnaise, bien sûr. Mais je rigole. Oh, il allez, là, ça c'est mon gars, voilà. En gros, vous pouvez conseiller quelque chose culturellement. Alors évidemment, on conseille quelque chose au cinéma. Le 5 juillet. Bah, bien sûr. Évidemment. Yo Mama. Allez-y. Yo Mama. Avec Claudia Tagbo, Zao, SML. Bien sûr. Et Claudia. J'ai dit. Ouais, tu l'as dit. Olivia Cuy, elle est super. T'as confondu de Renoir en fait. Oui. Ils se ressemblent tous pour toi, c'est ça. Tu vulgarises. Tu joues dedans, Jean-Zel, et tu le produis aussi. Oui, oui. C'est ta première prod. C'est la première fois que je produis. J'ai participé à la production de ce film. C'est clair. J'ai mis en connexion. C'est nébuleux, hein, comme. Non, la production, c'est ça. Sur Insta, tu le ressens souvent en disant ma première prod. Non. Alors, je vais vous expliquer. Ce qui s'est passé, c'est que Amadou Mariko, qui est comme mon fils, qui a écrit et qui co-réalise. Voilà, qui est comme mon fils. C'est quelqu'un qui était de Sarcelles. Okay. Donc, il n'a vraiment aucun rapport avec le cinéma, de près ou de loin. Il n'avait aucune chance. Tu es en train de hurler, tu hurles. Oui, parce que je tiens à dire que c'est très important. Il n'avait aucune chance dans la vie. Il partait de loin, très loin. Noir, des lunettes, Sarcelles. Bon, il y avait beaucoup de choses qui n'allaient pas. Noir, je suis arrivé dans sa vie. Il me dit, ouais, j'ai un scénar qui est pas mal, nanana, tout ça et tout. Et moi, Gaumont, c'est la mif, t'as capté. Je prends le scénar. Je prends le gars, je ramène chez Gaumont. On me dit, mais les scénars, faut le payer, JP. Je dis, ok. Je sors un petit peu d'argent. Je fais la connexion. Ensuite, le film suit son cours. Il y a la coproductrice qui s'appelle Camille Molonguet qui a aussi pris en charge le dossier. Mais qui tout part. Entre autres, d'être une excellente productrice et une des plus belles meufs de France. Ok. C'est pas moi de le dire. C'est pas moi de c'est le dire. C'est vraiment à toi de le dire. Et donc elle a suivi le processus du film, et je trouve ça super de prendre des gars qui n'auraient vraiment pas, tu vois, qui n'avaient pas les moyens ou l'opportunité de truc, et de relier le. Donc voilà, moi je suis un espèce de gars qui est fait pour créer des miracles. Voilà, je suis un facilitateur. Voilà, je. Non mais c'est vrai que c'est un grand frère. C'est Gaumont, mais c'est une comédie un peu indé. Enfin, faut le dire quand même. Oui, c'est pas un énorme truc. En fait, cette comédie, puisque ça va être Marocco, moi aussi, on va pouvoir en parler encore 2-3 minutes. c'est issu d'une histoire vraie des bébés rappeurs, dont on peut encore trouver le clip sur internet. C'est une histoire qui s'est déroulée en 2015, où il y a des petits qui ont fait un rap à Sarcelles, et leur maman voulait leur répondre en rappant pour rétablir la communication, puisque les petits ils aimaient la musique, ils aimaient le rap, ils se sont un petit peu fourvoyés, c'est-à-dire qu'ils étaient un peu jeunes pour poser dans un clip de rap avec des armes et de la drogue. Ouais. Mais par ailleurs, nous, ce qu'on a fait dans le film, enfin ce qu'a fait Amadou en écrivant ce film, c'est qu'il a un peu fait la suite de cette histoire vraie, en imaginant ce que ça aurait été si effectivement les mamans avaient mis leur désir à comment on appelle ça ? Elle a du mal à choisir ces mots. En vrai, enfin, ouais, voilà. Réaliser c'est, leur c'est voilà, passé réaliser à l'acte. C'est passé à l'acte. Et ben voilà, ça donne Yo Mama au cinéma le 5 juillet. Et franchement, on a trop kiffé le faire. Et moi qui suis férue de hip-hop, c'est vraiment un film où il y a du vrai bon rap français. Mais ça a été bossé, c'est pas la grosse comédie genre c'est marrant, il y a du rap. Non, pas du tout. Bossé par des gens qui savent. C'est co-réalisé par Leïla Sy, qui a fait Banlieusard. Et les morceaux de rap ont été écrits par Sercom et Desi, qui sont des potes d'Amadou, qui sont des petits aussi de Sarcelles. Et d'ailleurs, il y a une séquence dans le film quand Dozingo, le personnage de JP Zadi, arrive au marché de Sarcelles pour retrouver les trois mamans avec Olivia Cuy. Dans la voiture, on entend une chanson dans laquelle chante Sercom, un des compositeurs. Et Amadou, c'était le groupe d'Amadou quand il était jeune. C'était le groupe d'Amadou. Sauf qu'Amadou était jamais là. Et le titre s'appelle Sarcelles. Et vous pouvez le retrouver sur toutes les plateformes. T'as pris une petite voix de France Inter. Ça s'appelle Sarcelles. C'est du très bon rap. Non, mais ça me fait hyper plaisir. Ça vient parce de la que... Tess. Je sais pas si on gardera ça ou si on le coupera, mais en gros, on a fait pas mal de promos. Ouais. Et c'est vrai qu'on a dû recadrer à chaque fois parce qu'il y a pas mal de journalistes. Tu me dis, je regarde tout le monde pour. Franchement, vas-y. C'est l'antenne libre ici, là. C'est les derniers bastions de liberté. Non, mais attends. Il y a eu pas mal de journalistes qui commençaient en disant alors, le rap, c'est quand même extrêmement violent. Ah oui, toujours. Et donc, ce à quoi on a répondu, c'est pour ça que j'insistais tout à l'heure là-dessus. Non, le rap, c'est la pop aujourd'hui. C'est la variété. Et quand on avait des Balavoine, des Gainsbourg, ça, c'était extrêmement violent. Alors que les gens qui font du rap, eh ben, ils expriment juste un sentiment qui est sincère, qui fait état de leur vie comme elle est en vrai, comme le faisaient à l'époque d'autres chanteurs de pop plus identifiés. Mais Nous, on a essayé de rendre hommage à cette musique qu'on adore. Ouais. Et puis voilà, en essayant de kicker correctement et tout. Et franchement, ça fait quelque chose de s'entendre rapper à chaque fois, moi, que j'entends mon couplet qui commence par « Pousse pas à devenir sauvage !» Et vraiment, je suis là, genre, c'est moi qui ai et en même temps, c'est très marrant parce qu'à la fin, t'as le truc genre bon, « C'est rigolo, maman t'aime. » Oui, oui. Le petit maman t'aime, il est très mignon. Oui, parce que je suis férue de mon fils, Kevin, que j'ai accouché par voix basse. C'est dans le scénar ou ça, c'est le perso, c'est toi qui bosses ton perso derrière? Je te connais. Oui, bien sûr. Elle se rajoute des petits détails. Non, mais voilà, Yo Mama, donc c'est au ciné le 5 juillet. N'hésitez pas à aller le voir. Ménielite, il a bossé sur. T'as quoi? T'as fait des blagues dessus? En fait, on m'a envoyé le scénar et j'ai refait une passe dessus pour rajouter des blagues. Ouais. Voilà, là où je pouvais en caler une petite. Hop. Est-ce que t'as vu le film, Adrien? J'ai pas vu le film. Ah, donc tu peux pas me dire si tu as reconnu tes blagues? Non, dans la bande-annonce, j'ai bien reconnu mes blagues. Ah, tu vois, bah donc c'est déjà. C'est ouais, non, mais voilà, les blagues de la bande-annonce, en gros, c'est les miennes. C'est stylé quand on scénariste. Ah ouais, c'est trop bien. Ouais. Et non, j'étais hyper content de faire ça. J'espère que voilà, j'ai apporté ma petite pierre à l'édifice de la hure. Bah allez, vous l'avez entendu. J'ai une autre recommandation culturelle. Vas-y. J'ai un autre film dans lequel j'ai tourné qui sort le 19 juillet. C'est que des trucs avec toi. Ouais, les mais non. Culturelle. Attention, ouais. On est quand même sur la promo sur de Yo Mama. On va rester sur Yo Mama. Bah, c'est à dire que Yo Mama, il y a 250 copies. Ouais. Donc ça veut dire que ben, tous les auditeuristes du Floatcast peuvent ouais, parce qu'on sait qu'ils sont éclatés à travers le monde francophone. Bien sûr. Ils pourront aller le voir. Le film dans lequel j'ai joué qui sort le 19 juillet qui s'appelle Paula est un thriller. Paula. Ouais. P-A-U-L-A. P-A-U-L-A. C'est écrit par Angela Ottoba et c'est avec Finnegal Oldfield, bien sûr. Et une petite. Gassure. On est quatre personnages dans le film. Il y a Finnegan. Aline qui joue Paula et Océan et moi. D'accord. Ok. Et je pense qu'il n'y aura pas 250 copies, donc je vous invite, si vous aimez un peu les films d'horreur à la française, psychologique, voilà, n'hésite pas à checker tes textos. Hein. Non, je suis en retard, j'ai un rendez-vous. Non, mais là, on va terminer, là, midi moins quart. Oui, je pense que le thriller est incroyable, mais n'hésitez pas à aller voir quand même Yo Mama. N'hésitez pas à aller voir Yo Mama d'abord, et si vous voulez plus de Sophie-Marie Laroui, enchaînez avec le thriller. Voilà. Bien sûr, bien sûr. Bah les amis, c'est la fin de l'émission. Faut qu'on vous libère, je crois. Donc on va vous laisser. Merci vous laisser. Pour ce floatcast. Ben non, merci d'être venu. C'était très très cool. On a bien rigolé. JP a pris le numéro d'Adrien pour le faire écrire sur tous ses non, projets. J'adore. Ouais. Moi j'avais écrit un peu avec JP. Ouais. Oui, mais on sait que les gens t'appellent les gens toi. Le savent et après, pas, quand les t'es gens pas le dispo, ils m'appellent moi. Alors, cela dit, je sais pas du tout ce qu'il va être gardé, moi, dans ce que j'ai écrit. Mais ouais, plein de trucs, plein de trucs. Ouais. Mais vous avez écrit quoi encore sur la saison 2 d'En la Place. La saison 2 d'En Place. Il y a une saison 2. Mais oui, putain, mais le scoop. Plus. Non, partout. Ça a été annoncé. C'est annoncé. Ah, oui, ouais, c'est annoncé. Putain, mais il faut bien que je m'en sorte. Mais c'est ça. Oui, En Place, tu as une date ou pas du tout? Vous avez on même pas tourne en tournage. Septembre. On tourne en septembre. On tourne en septembre. Okay, super. Bon, on suivra ça. C'est gros succès En Place quand même. Ouais, succès, ouais, ça a bien carte. Mais c'est pas moi de le dire. Non, mais c'est vrai que c'est vraiment pas moi de le dire. Moi, je suis pas là pour mettre dit. En avant. Ouais. Là, je suis là aujourd'hui pour SML, pour la mettre en valeur. Parce que et par contre, moi, je vais vous dire un truc que j'ai vu sur le film et tout. C'est que SML. Bon, je le savais déjà. Mais je trouve que c'est vraiment une grande actrice. Ah, bah ça, oui. C'est vraiment une actrice de ouf. Elle a le sens du rythme, de la comédie, tout ça et tout. C'est en finesse. C'est vraiment une grande actrice. Et elle a un grand éventail. Moi, je le dis parce que moi, j'ai eu la chance aussi de la diriger sur mon film qui sort pas tout de suite pour le coup. Ouais. Et elle fait encore complètement autre chose. Enfin, elle on a adoré. Ah non, c'est une actrice de ouf. On s'est beaucoup amusé. Franchement, à ma grande surprise, c'est une actrice de ouf. Fallait un petit. Non, mais il est obligé, c'est non, ça. Non, mais bien sûr. Il peut pas mettre son cœur sur la rue. C'est la rue. C'est la rue. C'est la rue. C'est comme ça dans c'est la rue. Ouais. Bien sûr. C'est la rue. Bon, moi, je dis la hure. Sophie-Marie, JP, merci beaucoup d'être venu. Bah, merci pour l'invitation. Au cinéma le 5 juillet. Adrien, on se revoit la semaine prochaine pour le dernier épisode. Le dernier de la épisode saison. De la saison. Il y aura un best-of cet été. C'est avec qui le dernier épisode? C'est pas encore. Tu penses bien qu'on est aussi bien organisé ami, que ça. Mon pauvre ami. On verra bien. Ce sera la veille. On va appeler des gens qu'on connaît. Merci tout le monde en tout cas. Ciao. Merci. Au revoir. Il s'agissait du Floatcast. Pardon.